Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 58e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette 58e émission d'Autour d'un VR, le seul podcast spécialisé dans la réalité virtuelle francophone, en tout cas à ce que je sache, mais en tout cas à mon avis une des premières. Et aujourd'hui, je suis heureux de retrouver Lolo. Salut Lolo. Hello tout le monde. Comment tu vas bien? Ben ça va, il n'y avait rien à foutre en début de semaine, il y a trop à faire en fin de semaine, mais à part ça, ça va. L'orgie quoi, l'orgie. Ouais, c'est bien, c'est cool. C'est ça tout bouge. Ou rien. C'est cool, ça bouge. Alors, si tous les développeurs pouvaient éviter de balancer toutes leurs annonces quand on enregistre le podcast pour éviter que je passe des nuits blanches, ce serait bien. Ouais, sinon, ça nous donne trop de boulot, ça fait chier. Il faut faire des émissions qui durent deux heures. Pff, voilà, c'est embêtant. Donc voilà, message est passé. Ensuite, nous avons Monsieur Majo. Salut Majo. Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Ça va bien, très bien. Actif, bien. Grosse semaine. Oui. C'est vrai, on a eu trois jours très pauvres et aujourd'hui c'est lourd. C'est beaucoup de choses à compiler, à faire. Donc très actif, top. C'est bien comme ça. On va avoir plein de choses à dire ce soir. On va commencer par quoi d'ailleurs? Est-ce que je commence à parler directement de Facebook, de mon amour pour Facebook? Ah oui, c'est vrai, t'as eu un petit problème technique. Vas-y, commence. Début d'émission. Voilà. Alors, je vais essayer de pas être trop grossier. Hein. Je vais essayer. Voilà, j'ai fait pour la chaîne VRAC. D'ailleurs, j'en profite. Allez vite vous abonner à la chaîne VRAC de VR for Player pour voir des petites vidéos comme ça, un peu plus en mode détente, avec du gameplay, avec des jeux, avec plein de choses à découvrir. Voilà, il y a une vidéo que j'ai faite sur Speedy Gun Savage, qui est un jeu de tir FPS que j'ai fait. Donc, j'ai mis sur YouTube et que je voulais déposer sur les groupes Facebook VR for Player. Pas de souci. Et là-dessus, il y a Facebook qui me propose est-ce que tu veux aussi l'envoyer sur le groupe PlayStation France. Donc je dis oui, pourquoi pas, et limite ça reste quand même un jeu qui va sortir normalement sur PSVR, ça devrait être bon. Et depuis, donc c'était samedi dernier, depuis je suis bloqué sur Facebook pour rien. Ça me dit qu'il y a une action inhabituelle qui a été faite sur mon compte et que du coup bah en fait mon compte il est complètement bloqué. Ça me gêne pas trop. Bon, mon compte il a 15 ans. Je m'en sers pour discuter notamment avec les gars de VR for Player. Donc je suis un petit peu muet depuis une semaine. Et ça nous fait du bien. Et ça vous fait du bien. Et voilà, je... Enfoiré. Mais ce qui me gêne le plus, c'est qu'en fait j'avais failli quand même il y a quelques semaines lier mon compte Oculus à Facebook. Et qu'est-ce qui serait passé si j'avais fait ça? Et ben en fait, pendant une semaine, en tout cas parce que mon compte est toujours pas débloqué, tous les jeux que j'ai achetés sur Oculus, et ben ça aurait été dans mon cucu, tout simplement. Voilà, dans ton Oculus. Dans mon Oculus. Voilà. Et donc voilà, donc on a déjà dit hein, ce qu'on pensait du Quest, le bien comme le moins bien justement. Moi j'ai l'impression vraiment que Facebook c'est le plus gros point noir qu'aurait pu arriver à Oculus. Mais c'est hallucinant parce que tu te fais kick. Tu sais pas pourquoi. T'as des moyens qui ne fonctionnent pas pour débloquer la situation. Parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait, justement. J'ai envoyé une pièce d'identité, etc. J'ai regardé, c'est safe, tu peux le faire, c'est prévu. Prévu par Facebook. Et depuis, il n'y a rien qui se passe. Et mon truc est toujours bloqué. Ouais, faut que t'attendes 6 mois. Ouais, mais super, ouais. Comme justement le groupe VR for Player qui s'était fait kicker il y a un an et demi à peu près. À peu près, ouais. Ouais, ouais. Un peu plus, ouais. Parce que c'était avant que j'arrive, donc... C'est un peu ça, mais alors, comment est-ce que avec ce genre de système-là, tu peux avoir suffisamment confiance en Facebook pour leur filer du pognon? C'est-à-dire d'acheter des jeux Quest ou des jeux même maintenant sur Oculus, c'est hors de question, moi, que je peux plus leur faire confiance, hein, c'est impossible. Bah, t'es totalement dépendant d'un système que tu maîtrises pas du tout. Ah oui, bien sûr. Ah ouais, c'est ça. Surtout que chez VR for Player, on n'est pas très nombreux. Hein. On est allé 5-6 à tout péter. Ben, sur 6 personnes, il y en a déjà 2 qui se sont fait bloquer leur compte. Celui de VR for Player, il est resté bloqué 6 mois. Et puis moi, j'avais complètement lâché Facebook. Hein, c'était terminé. Et puis du jour au lendemain, pouf, on m'avertit que mon compte refonctionne. Mais c'était 6 mois plus tard. Donc t'achètes un Oculus Quest et tu te fais bloquer. Et t'as qu'un seul compte Facebook, parce que déjà si t'en as deux, je crois que c'est pas très bien vu, il me semble. Non, c'est interdit. Ouais. Ça aussi, je voulais en parler. Si il t'arrive ça sans raison, on te bloque ton compte. Alors, je vous dis pas le nombre de mails que nous on avait fait à Facebook pour savoir pourquoi on avait été bloqué et s'il pouvait se débloquer. Aucune réponse. Et 6 mois plus tard, bah, tu restes sans Quest pendant 6 mois. Alors que tu as payé ton matos, allez, 500 balles, plus je sais pas quoi, plus tout le bazar, tu peux pas jouer parce que tu as ton compte qui est bloqué. C'est ça. Donc moi, je pensais que c'était limité à nous, et là, maintenant que ça t'arrive à toi, tu te dis, putain, tu te dis, sur 5-6 personnes, on est déjà deux à s'être fait bloquer le compte, sans raison. Donc est-ce que c'est peut-être lié à notre activité aussi, parce que c'est souvent qu'on poste des choses sur Facebook, forcément avec le site, mais n'empêche que bon, bah, c'est pas cool, quoi. C'est clair, bah, que... j'ai diffusé une vidéo que je venais de faire et que je venais de produire, et je voulais la diffuser sur les groupes. Ta maman, elle t'a jamais dit qu'il fallait pas faire confiance aux inconnus? Tu reçois une suggestion comme ça qui te propose de faire un truc que tu n'as jamais fait et tu vas le faire, et puis du coup t'es sanctionné. Voilà. J'étais bien con sur ce coup-là. Et en plus, le pire, c'est que c'est Facebook qui me le propose. Genre, hein, tu veux poster là? Ouais, pourquoi pas, allez. Et boum, allez, bloqué. Et pour revenir au multicompte, parce que moi, c'est ce que je voulais faire au départ. Si j'avais dû investir dans un Quest, ce qui est hors de question maintenant, c'est sûr et certain, créer un second compte Facebook, justement, un truc, on va dire, neutre, sur lequel je vais pas sur le réseau social pour pas avoir d'emmerde, et surtout pas se faire, je sais pas, si tu t'embrouilles avec quelqu'un, et ben il peut te bloquer et puis te niquer aussi ton compte. Mais en fait, ça s'est marqué sur le mail que j'ai reçu de la part de Facebook. Si vous avez créé un autre compte Facebook après avoir perdu l'accès à celui-ci, sachez que nous ne pouvons pas vous aider à fusionner vos deux comptes et qu'il est interdit de posséder plusieurs comptes sur Facebook. C'est-à-dire qu'en fait, là, la seule façon de débloquer la situation, c'est de prouver mon identité. Donc, c'est carte d'identité, il y a mon nom, mon prénom, et puis il voit si c'est en corrélation avec le compte qui a été bloqué. Si je me crée un autre compte Facebook pour le Quest, je sais pas, Say la brouette en nom de famille, tu vois, et ben là, tu te fais bloquer ton compte sur lequel tu as acheté tes jeux, et ben, t'as aucun moyen, en fait, de prouver ton identité. Donc, tu l'as dans ton cul. Et c'est lamentable, et c'est vraiment dégueulasse de la part de Facebook. Le seul truc, ouais, qui m'embête à ce niveau-là, c'est pas pouvoir discuter maintenant avec les gars de l'équipe, je veux dire, en temps réel, quoi, parce qu'on utilise beaucoup Messenger entre nous. Mais on va être obligé de changer, hein. Et que je sais que là, en 2022 ou 2023, quand on va être obligé sur tous les comptes Oculus, quel qu'il soit, que ce soit Oculus Rift S ou Quest, de passer sur un compte Facebook, je sais que tous les jeux que j'ai achetés sur Oculus, Asgard Wrath, Lone Echoes, tout ça, eh ben, je ne les aurai plus. Ça sera fini, ça sera terminé. Parce que mon compte, il est hors de question que je le fusionne ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc merci Facebook. Hein. En tout cas, je pense que Oculus se portait bien, bien mieux sans toi. Et voilà, c'est une énorme dérive, je trouve, et je trouve ça absolument dégueulasse. Et je pense qu'il y a beaucoup de ProQuest qui adorent leur casque, qui surkiffent en ce moment et qui sont connectés à Facebook avec, qui vont déchanter, je pense, dans quelques temps, quand ils vont se rendre compte un petit peu du revers de la médaille. Donc, et j'ai pas dit un seul gros mot, j'ai l'impression. Et je suis très fier de moi. Donc voilà, c'était mon petit retour sur Facebook. Voilà. J'étais un peu vert aussi quand ils nous avaient bloqué VR4Player là. Moi là maintenant c'est un peu passé parce que j'ai récupéré le compte, mais disons que depuis je suis beaucoup plus actif sur Twitter que je n'ai. Avant j'étais plus actif sur Facebook. Bah Twitter c'est pas mieux après, hein, mais le truc c'est que tu leur donnes pas ton pognon, quoi. Et surtout ils sont pas Twitter. Ouais. Et puis jusqu'à présent, j'ai jamais été ennuyé sur Twitter. Donc... Voilà. Bon. Voilà. En tout cas, voilà. Kiffez bien votre Quest. Profitez-en. C'est un super casque. Vous allez prendre votre pied dessus. Mais attention, Facebook, c'est pas du tout votre ami. Hein. Ouais, servez-vous-en en Oculus Link, quoi. Avec l'Oculus Link. En fait, ça, je suis même pas certain. Alors ça, je sais pas. Je te dis, j'ai pas fusionné encore mon compte Oculus avec Facebook. Mais comme tu te connectes obligatoirement sur Oculus, t'es obligé d'avoir là j'ai mon compte Oculus. Pas quand tu joues via SteamVR. Eh bah si, justement, parce que dès que tu mets ton casque sur ta tête, en fait, t'as la plateforme Oculus qui se lance. Ah. Ce qui me fait dire que même si t'as si t'as ton compte Facebook qui est bloqué et que tu dois te connecter à Oculus via Facebook, je pense que même ton casque ne démarrera pas, en fait. Ah ouais. Tu vois le truc? Ouais, je vois bien. Mais faut plus servir de Facebook, en fait. Tu te sers de ton compte Facebook que pour ton casque. Ouais, mais le truc, c'est que... Ouais, mais tu n'auras pas le choix. Mais c'est pareil. 2020... Imagine, ils font une mise à jour des comptes qui sont inactifs sur Facebook ou un truc dans le genre. Parce que pourquoi pas, tu sais. Après tout, un algorithme peut dire... Bah, ça parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Pas publié, ouais, suppression. Voilà, ouais. Exactement. Bah là, c'est baisé, comme on dit. Bah oui, c'est baisé. C'est baisé. Ouais. Et donc, voilà, j'espère en tout cas que s'ils décident, par exemple, un jour de faire le ménage au double compte ou aux trucs qui n'auront pas l'air très très cachère, et ben hop là, ça... ils pourront bloquer des comptes pour rien. Et c'est déjà arrivé en plus au début du Quest 1. Donc voilà. Bref, c'était le petit point Facebook. Faites attention. Faites attention. Le truc pas cool. Très attention. Le truc pas cool, non. Et qui peut vraiment se retourner contre les joueurs. Et donc voilà, Oculus aurait mieux fait de se casser une patte au lieu de vendre son âme au diable. Vraiment, bref. Ensuite, bah, j'ai une autre petite news aussi pour les PCistes. Alors pareil, hein, on parle du diable, mais je pense que aussi ils sont pas trop aimés par certaines communautés. C'est Epic Game Store, donc il y a un jeu qui va être gratuit à partir de la semaine prochaine. C'est Alien Isolation. Pourquoi j'en parle ? Parce que depuis 3 mois à peu près, il y a le mode VR d'Alien Isolation qui est compatible avec l'Epic Game Store. Avant, c'était compatible uniquement la version Steam. Et depuis 3 mois, maintenant, on peut y jouer à partir de la version Epic Game Store. Donc ça va être gratos. Le mode aussi est gratos. Donc si vous avez un casque sur PC, franchement, je pense que c'est un jeu à faire en VR, hein, clairement. Mais il n'y a pas de mais ? Il n'y a pas de mais. Oh, bah, c'est une bonne nouvelle, alors. Bah, à part tout le mal qu'on peut dire de Epic Game Store, s'ils donnent des jeux autant que ça, c'est qu'il y a des données à revendre. Mais pour ceux qui n'ont plus de compte Facebook, ils sont contents de l'avoir sur l'Epic Game Store. Bah oui, voilà. Écoute, on trouve toujours un moyen de se faire baiser sur le net, hein. C'est ça qui est bien, c'est qu'on varie les plaisirs, tu vois. Si c'est pas sur Facebook, ça peut être sur Epic. Donc, mais voilà, en tout cas, voilà, ça serait dommage quand même de cracher dessus, sachant que c'est un super bon jeu et qu'en VR, ça a l'air de bien bien dépoter. Ah, celui-là, je le regrette sur PSVR, j'aurais bien aimé. Ah, peut-être sur PS5, t'es. On n'est jamais à l'abri de rêver, hein. Enfin, de pouvoir rêver. Donc, voilà. Et puis, bah, une dernière petite news aussi, un petit peu hors sujet. Thomas Pesquet qui va être sur la station internationale dans quelques mois, celui je crois. Celui qui fait les brioches. Non, c'est pas ce qui est ça. Oh là là. Là, le charisme en prend un gros coup là. C'est ça. Bah, il fait des brioches mais dans l'espace, tu vois. Ouais ouais, non, et, mais je savais. Et voilà, il a... Par contre, c'est celui qui fait des pains au chocolat. Voilà. Des pains au chocolat et non pas des chocolatines comme chacun le sait. Non pas des chocolatines. Voilà. Et donc qui va aller dans l'espace et qui pour justement pouvoir faire de l'exercice va utiliser un quest justement avec. S'il se fait coincer son compte en plein dans l'espace. Je te dis pas le délire. Tu l'enlèves de la bouche. C'est vrai qu'il va déchanter. Pour justement utiliser voilà une petite entreprise de l'héros en fait qui s'appelle Fit Immersion. Et qui propose en fait des de coupler en fait ton vélo, on va dire d'appartement, enfin ton vélo de l'espace, à une application en réalité virtuelle via le Quest pour pouvoir justement te balader comme ça dans 15 environnements différents, je crois. Et donc il va utiliser ce système-là, il en a parlé, et donc c'est plutôt cool. Il y en a beaucoup encore qui comprennent pas le côté un petit peu antinomique réalité virtuelle dans ce genre de mission, mais en tout cas si ça lui permet de garder un petit peu les pieds sur terre aussi en milieu clos, je pense que ça a son intérêt. Ouais, ouais, c'est ça, ce que j'allais dire, hein, parce qu'il faut pas être claustro quand tu pars dans la station internationale. Je regardais un reportage sur les mecs sur la vie dans les sous-marins aussi, ce qui est tout à fait comparable à la vie dans l'espace, et c'est vrai que pour pas péter un câble pendant un mois ou deux enfermé dans un sous-marin, Tu prends un truc de VR, rien que de détente, de relaxation, ça peut servir, hein, pour les soldats. Mmh. Et tu joues à Subnautica. Voilà, c'est ça. Là, t'as des grosses tremons qui t'arrivent sur le coin de la couenne. Puis t'es détendu, quoi. Et donc, les mecs dans les sous-marins, ils jouent à Subnautica, et puis Thomas Pesquet, il va faire Apollo 13. C'est voilà, ça. C'est ça. Bah, ça, le 13, il est tout autant tendu. Ah, c'était Apollo 13, 11. Le 13, ah, c'est oui, celui qui a foiré. Non, hein, le ah oui, on pourrait le faire en VR, l'Apollo 13. Tu commences toujours un truc catastrophe. Simulation catastrophe, comme ça t'es bien détendu après. Donc voilà, bah c'était, ouais, voilà, c'était juste pour en parler parce que c'est bien et c'est important. Et c'est vrai que quand t'es dans une cage à poules pendant des mois, ben c'est bien de pouvoir voir un petit peu autre chose. Dans une cage à poules, dans un appartement en confinement aussi. Hein. C'est une bonne info pour le grand public pour la VR, quoi. Tout à fait. Ouais. En tout cas, voilà, essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est et les applications qui sont autres même que le jeu vidéo pour qui sont aussi bénéfiques quoi, même dans certains milieux, on va dire très particuliers quoi. Faut pas qu'il casse une vitre avec son contrôleur s'il fait un mouvement un peu trop. Tu sais, s'il se met à faire du Beat Saber et puis il fait des grands gestes et puis il casse quelque chose. Il casse un hublot et oh merde. Oh merde. Il faut éviter ce genre de problème. À démocratiser dans les salles de sport, du coup, sur ton tapis de course. Oh bah ça viendra. Tu mets ton casque. Ça viendra, hein, de toute façon. Après, tu peux le mettre apparemment sur un téléphone portable aussi, type Samsung. Ouais, bah un Quest quoi. Donc oui, tu peux. Les applications, tu les fais où tu veux quoi. Même sur la route, hein, quand tu vas bosser à vélo, tu mets ton petit casque VR tranquille. En voiture. Ouais, ouais, bien. Nickel. T'es bien. Pour conduire, impeccable. t'es bien quoi, t'es tranquille. Donc voilà. Bon bah c'était tout pour mes petites news un petit peu hors sujet. Et puis maintenant, à pouvoir passer au gros de l'émission, à savoir les vraies news. Mon petit Lolo. Je commence par la première. Allez. Bah oui. Tant qu'à faire. Ouais, puis on finira par la dernière. Bah voilà, ouais, c'est ça c'est pas mal ça. Ça c'est construit, c'est bien. Ouh, je vous sens chaud comme la braise ce soir. Ce soir, ça va être sérieux, les gars. Attention. Ouais. La première, bah, c'est Runner. Runner. Alors je dis Runner VR ou Runner VR ? Ah, bah tu dis 4chan déjà, ça serait déjà pas mal. Puis après, Non, je dis 4chan. 4chan. Et VR for Player. Runner VR. Runner VR. Alors, Runner VR, alors c'est un jeu qui est développé par le studio indépendant Truant Pixel. Truant, c'est marrant qu'ils aient pris ça. Comme Facebook. Alors, on les connaît. Ils avaient déjà fait Vev, le petit jeu où c'est qu'on. Alors, c'était au tout début, en 2016, quand le PSVR est sorti. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jeu Vev. C'était une affiche rouge avec. On était à l'intérieur d'un corps humain et on se baladait entre les cellules en VR. Non. Lointain. Très lointain souvenir, ça. Donc, c'est eux qui avaient fait ça. Ils s'étaient sortis tout de suite. Hein. C'était en octobre 2016. C'était un des premiers. Et ils avaient fait aussi VR Football, un truc de football américain. C'était 2MD VR Football ou 2MD VR Football. Je sais pas. Voilà. Donc là, ils changent complètement de style parce qu'ils partent dans quelque chose de plutôt manga japonais, à savoir c'est quand même une boîte américaine. Ils sont trois développeurs dans le studio, dont deux frères. Donc c'est vraiment une toute petite structure, mais quand même, ils travaillent pour Sony Computer Entertainment, ils ont bossé pour Sega, pour Konami, pour Massive, pour Flashman, pour Lionsgate et pour Naughty Dog. Donc c'est, ils sont pas nombreux, mais ils ont travaillé pour des gros studios en dépannage. Et donc là, ils proposent leur nouveau jeu qui est pas mal inspiré de Akira. Donc c'est un jeu de moto qui contiendra 7 niveaux, donc 7 pistes. Le but du jeu, ce sera de quitter le niveau sans se faire buter. Et puis ça va canarder de tous les côtés. Il y a des véhicules, il y a des boss. Il y a des gros boss, c'est des espèces de robots géants qui vont vous tirer dessus. Tout ça à 300 km/h sur une moto. On peut détacher deux flingues du guidon de la moto. Et du coup, on tire avec certainement les PS Move. On va pouvoir tirer à 360 degrés, enfin, excusez-moi, sur PSVR, à 180 degrés sur tout ce qui va bouger. Donc bon, esthétiquement, c'est pas un jeu qui a l'air de casser les barres, bien que je le trouve un peu, pour l'instant, ce que j'en ai vu, je le trouve plus joli que le Shanghai de Iron Man. Mais bon, ça reste, c'est très animé, c'est plus fermé quand même. Ouais, c'est japonais. C'est vraiment plus fermé que sur Iron Man. C'est un circuit. Ça reste un couloir. C'est un couloir. Donc à voir ce que ça peut donner. Ça a pas l'air si mal que ça. Ça a l'air dynamique, voilà. Alors moi le trailer, il me fait rêver, franchement, voilà. L'ambiance, la musique et tout, c'est le top. C'est les années fin 80, début 90. Les fans d'Akira vont être comblés. Attention, ouais, spoiler, moi ça me fait penser à une des scènes finales de FF7 Remake. Oui, quand ils sortent Midgar, ouais. Exactement. Même de l'original. C'est ça. Enfin, l'original, je sais pas si elle était animée de la même manière, mais dans le remake, en tout cas, c'est typiquement la même chose où tu es sur une autoroute avec la moto de Cloud et tu dois shooter des mecs qui arrivent un peu de droite, de gauche et un boss. Et du coup, le boss aussi est assez similaire. Enfin, c'est l'espèce de gros robot. Alors, dans FF7, il est sur roue, là, il est sur pattes, mais je trouve que ça me fait beaucoup penser à ça, quoi. C'est vrai. Bah, ouais, c'est exactement, ouais, c'est vrai. La corrélation est bonne. Et. moi je pense que ce genre de jeu là en fait, bah parce que voilà, graphiquement c'est très simpliste, c'est très cartoon, c'est très néon, c'est voilà, c'est pas ultra détaillé, mais ce qui là où il peut vraiment faire la différence, c'est s'il y a une musique qui tabasse par contre. Ouais. Ouais. Une musique un petit ouais, peu ouais, sur l'ambiance. Il y a un système de voilà, une rythmique un petit peu travaillée comme peut avoir Pistol Whip ou les trucs comme ça. Où là vraiment tu pourrais être à fond dedans avec la vitesse, avec l'action qu'il y a autour. C'est ça, c'est la, le l'action truc qui défile comme ça qui va nous faire puis, oublier le les ah, tu peux devenir fou avec ça, et ça, ça peut être vraiment pas mal. Ouais. Si la musique est pourrie, par contre, ça va être compliqué. Ouais, bah, moi, ouais, pour l'instant, alors il y a certains qui ont déjà, parce qu'on peut mettre maintenant notre avis sur le site, on peut mettre qu'est-ce qu'on a pensé de l'article, qu'est-ce qu'on a pensé du jeu principalement, parce qu'on note pas l'article. On peut mettre des petits personnages, et sur Runner, il y a eu pas mal de, il y a eu 4 personnes qui ont mis ça me fait pleurer. Non, pour l'instant, moi, j'attends vraiment de voir ce que ça peut donner. Au contraire. Attention, c'est... peut-être ça les fait pleurer d'émotion. Oui, genre, aussi. Oh, c'est donc, trop c'est vrai. Oh mon dieu. On sait pas trop. Je n'y crois oui, pas. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai aussi. Mais... Oh mon dieu, Akira. Non, pour l'instant, j'attends de voir la suite. Moi, les 7 niveaux, faut voir la durée, faut voir le machin. Mais je trouve pas ça si dégueulasse que ça. J'espère que ce sera pas trop répétitif, par contre. Ouais. Ah bah c'est un shoot sur rail quand même. Donc ouais, mais c'est les environnements qui vont faire et les boss. Voilà, et si les boss les sont bien différents, faire, que ça le sera ou pas quoi. De temps en temps qu'il y ait des petits tremplins, qu'il y ait des petits je sais pas moi, qu'ils arrivent à varier le truc avec que ça reste pas une ville au tombé de la nuit pendant 7 niveaux. Une ligne droite tout le temps, ouais. Voilà. Mais bon, ça peut être sympa. À suivre. Donc ça c'était Runner VR. Voilà, Runner VR, voilà. Runner VR. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons de beau? Alors, on va parler de Wanderer. La deuxième, du coup. Ouais, c'est pas mal. Wanderer. Oh là là, attends, je vais essayer de t'aider là, mais je suis pas sûr. Attends, j'ai Wanderer. Ouais, Wanderer, ouais, c'est bien. Wanderer, c'est bien. Voilà. Alors, on a fait 2 articles sur ce jeu-là. Un la semaine dernière pour prévenir qu'il allait débouler, et puis un aujourd'hui parce que ça y est, il déboule. Wanderer, c'est quoi ? C'est un jeu moi qui me fait planer dans son concept, parce que c'est un truc que je vous avais déjà parlé, que moi je rêvais d'avoir des jeux, notamment avec l'arrivée du SSD magique de la PS5, d'avoir des jeux où on puisse changer de dimension et surtout changer d'époque. Et là justement c'est pile dans le créneau parce que c'est un jeu de voyage dans le temps dans lequel eh ben, on va se retrouver un peu à plusieurs époques, donc c'est un puzzle game et il va falloir résoudre des énigmes qui vont être multidimensionnelles je pense, et en modifiant quelque chose dans le futur ça va remodifier en modifiant le passé ça va modifier le futur et du coup des fois il va falloir faire marche arrière parce qu'il y a un truc qui ne marchera plus dans le futur, enfin ça va être des va-et-vient c'est comme ça. Le principe de l'effet papillon. C'est ça. C'est ça. Donc c'est un truc qui me botte depuis longtemps et puis je suis content qu'il s'est sorti ça en VR parce qu'en plus on va pouvoir être batteur à Woodstock je crois que c'est en 69. Ouais, c'est ça. Donc en fait là, pour le peu qu'on en a vu pour l'instant, on va être à Boston en 2061 dans une ville, un Boston complètement apocalyptique et c'est, alors ça me fait énormément penser à la ville. Ils sont où dans The Last of Us, ils sont à Atlanta, non? Ils sont où? Bon, bref, la ville de The non, Last Atlanta, of Us. Atlanta, c'est Walking Dead. Ouais, c'est Atlanta. Ouais. Ah oui, Atlanta, c'est Walking Atlanta, Dead, c'est exact. Ouais. C'est Walking Dead, ouais. Donc, en fait, la ville, elle me fait énormément penser à la ville de The Last of Us avec la rue qui est carrément sous l'eau. On va être aussi sur la Lune, au beau milieu de la mer de la Tranquillité en 69. On va être à Woodstock, on va jouer de la batterie, donc à Bethel en 69 aussi, devant une foule de dingues. Donc, la foule, on en reparlera parce qu'on est sur PS4, PSVR. Ouais. Il va y avoir aussi des phases de combat en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, on va pouvoir rencontrer Nikola Tesla à côté de la tour Wardenclyffe en 1906 et également aller rencontrer des chefs mayas en 378. Et j'ai vu aussi des images sur du Japon médiéval. Donc je pense qu'il y a d'autres niveaux qui ne sont pas encore annoncés. Et, ça peut être vraiment super cool. En tout cas, ouais, c'est vrai que cool, c'est voilà, il fait de l'œil. Tu sais que le pitch, quand j'ai lu l'article justement, le pitch il m'a fait un petit peu penser à Code Quantum. C'est-à-dire qu'en gros, tu incarnes un personnage oui, et tu prends le corps d'une personne dans un endroit et dans une époque différente. et tu dois résoudre, enfin voilà, régler les problèmes et pour changer un petit peu la timeline. Donc ouais, ça, moi franchement celui-là il me dit vraiment bien. C'est vrai, ah bah, carrément. Et puis alors déjà c'est carrément sympa, mais en plus c'est au niveau de la variété, quoi, parce que moi rien que voir le batteur Woodstock devant la foule là, tu te dis putain, en VR mais tu dois t'éclater, quoi. Et puis 5 minutes après tu te retrouves avec une mitrailleuse en train de tirer sur des Allemands. Ça, pour revenir à la foule, Lolo elle a pas l'air de bouger. Tu crois qu'elle va pas bouger? Oh, ils vont bien cligner des yeux. Ils sautent pas beaucoup, hein. Ils sont stone. Woodstock, oui, mais... c'est des hippies, hein. Oui, mais sur le site, voilà, sur le site, c'est une photo. Non, je parle pas du site, je parle du trailer. Et puis, à la limite, tu t'en fous, hein. Ce qu'il va falloir faire, je pense, ça sera un mini jeu de rythme pour cette séquence-là où tu devras taper sur les. Oui, bien sûr. Mais comment parler de la puissance, parce que c'est la version PS4 du coup, puisque on a une date de sortie, donc. J'ai eu les développeurs cet après-midi. C'est vrai, ils vont bien. Oui. Bah, d'ailleurs, c'est souvent parce que je discute beaucoup avec eux. Tu leur passeras le bonjour. Ouais. Et donc, je leur ai demandé, hein, parce que je leur ai dit, vous êtes sûr que votre jeu il sort sur PS4, sur PSVR Et donc, ils m'ont répondu, ils m'ont dit, oui, c'est clair, ça sort PS4, PSVR, troisième trimestre 2021, donc il arrive, hein, il n'y en a pas pour longtemps. Et donc, j'ai réinsisté, j'aurais dit, mais la PS4, elle sera suffisante pour faire tourner, parce qu'il est quand même beau, votre jeu. Et ils m'ont répondu que pour l'instant, ils ne pouvaient pas communiquer sur la PS5 et le PSVR 2 en me faisant légèrement comprendre qu'il y avait de la DNA derrière. Mmh. Avec un petit clin d'œil en smiley, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Ça finit exactement. Ça finit avec un clin d'œil en smiley. Donc ouais, je vais encore être obligé de jouer à une version PS4 sur ma PS5. Ouais. Un jeu pas fini. C'est parti. Hein, ça merde, semble parti pour. Mais bon, bon petit jeu. À mon avis, en perspective, j'espère juste qu'on va pas se retrouver dans les symptômes de Cyan avec Obduction, avec un jeu qui est magnifique sur son trailer ou sur la version plate et qui est plutôt très moche en version VR, bien qu'il ait été amélioré depuis. J'espère qu'on va pas avoir de surprise sur PS4, parce que quand on voit le trailer, à mon avis, ça tourne sur un méga PC avec une méga carte graphique, et j'attends un petit peu de voir la version PS4 quand même. On peut aussi avoir le syndrome Hitman 3. Hein. Aussi. Avec un trailer ok bullshit fait sur un PC de la NASA, mais qui s'en sort quand même très très bien sur une vieille PS4. Hein. C'est vrai. Donc, pour moi, maintenant, plus rien n'est impossible, hein, sur PSVR. Hein. Quand tu vois. Non, mais je suis pas inquiet, parce que quand je vois, je te dis, moi, je suis tout le temps en train de me revenir à celui-là, parce que c'est celui qui m'a mis la plus grosse claque graphiquement. Robinson. Et ben Robinson, je suis désolé, les graphismes qu'il proposait en 2016. Je sais que la PS4 en est capable. Je suis pas inquiet pour ça. Crytek, ils ont fait un truc de dingue. Même si le jeu en lui-même, il est pas terrible. Là-dessus, je suis d'accord. Mais graphiquement, c'est une tuerie. Pour l'époque, c'était un jeu avec du gameplay. Hein. Oui. Mais disons que il a pas brillé par son gameplay. On aurait peut-être plus attendu d'autres choses, mais on va pas y revenir parce qu'on en parle à chaque émission. Non, ça peut durer longtemps. Mais je veux dire que ça prouve quand même que la PS4 et le PSVR sont capables d'envoyer quand même quelque chose de relativement correct dans un casque. Finalement, pour y avoir joué sur PS4 Pro, c'est que la résolution qui change. Donc Et puis il y a encore de quoi faire avec la PS4 standard. Ah oui. Techniquement, ils peuvent le faire. Le problème, c'est qu'on a eu en parallèle aussi des jeux comme Ark qui présentaient des trailers magnifiques. Et puis quand on a vu le jeu, c'était bon, quoi. On pleurait. Donc j'espère qu'on sera plus du côté de Robinson pour ce jeu-là, Wondered. Vous avez vu, j'essaye d'éviter de dire son nom. Le jeu dont nous parlons en ce moment. Voilà, Wanderer. Donc j'espère qu'on sera plus du côté de Robinson que du côté de Ark. Et maintenant, bah, on verra bien. En tout cas, sur le papier, l'histoire, elle est nickel. Donc on peut dire qu'on est tous hypés par ce jeu-là. Ouais, carrément. Complet. Je suis à fond. Ok, hein. On est d'accord. Très bien. Ok, ça marche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un peu de Majo, qu'est-ce que tu veux? Le troisième Le troisième, le troisième c'est quoi? Oh, bah, il y a Swordsman. Swordsman. Ouais. La fameuse mise à jour des pirates que j'ai enfin essayé. J'ai cru comprendre que tu avais une certaine passion pour la décapitation, du coup. Je me débrouille pas mal. Pas mal. T'as un bon coup de poignet comme ça, clac, pour faire sauter les pirates. Ouais, t'as vu ça. C'est bon pour les tendinites. Voilà. À retrouver sur la chaîne VRAC, où il faut s'abonner, il faut mettre des pouces en l'air et il faut nous aimer. Voilà. Exactement. C'est plus simple. Et puis, vous avez vu, il y a masse de contenu quand même. Ça défile à gogo. Ça nous permet de partager un peu nos sessions de jeux diverses et variées avec vous. Donc, c'est toujours sympa. Et du coup, je l'ai essayé. C'est cool. Vraiment, la partie démembrement est sympa. Alors, comme je disais, c'est pas très très long. T'as 5 niveaux. Donc, c'est la mise à jour pirate et démembrement. Tu te retrouves sur un bateau. Comme d'hab, tu combats donc des... Toto tombe à l'eau. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui reste ? Et tu combats donc des hordes d'ennemis par groupe de 3 maxi. Et en fait, la petite particularité, c'est qu'en plus, tu as un kraken en fait qui vient régulièrement assaillir le bateau et qui, si tu le t'en débarrasses pas assez vite, en fait, va faire couler donc le bateau. Et pour t'en débarrasser, il faut mettre des coups de sabre sur les mèches des canons. Ce qui fait que ça lui lance un petit boulet de canon en plein dans la bouche. Et puis ça le fait partir. Mais bon, ça suffit pas. Il fait le tour du bateau. Il revient vers toi. Il est gros ? Ouais, franchement, il est assez imposant. C'est assez impressionnant. Il y a un moment, j'ai réussi à le caler dans la vidéo que j'ai faite, où je lève vraiment la tête très très haut pour aller regarder sa tentacule. C'est vraiment très très impressionnant. Il n'est pas super détaillé, mais en fait, comme c'est un environnement assez sombre, du coup, puisque c'est sous l'orage et la pluie, ça fait l'effet, quoi. Vraiment, ça fait son petit effet. C'est hyper sympa. Il y a un petit bémol à cette mise à jour, c'est que le boss, du coup, qui est un pompé de Jack Sparrow, il est vraiment nul. Mais il est naze au possible. C'est un sac à PV, il a énormément de vie. Ouais. Mais par contre, il est hyper nul, il fait rien du tout. Même son arme, parce qu'il a une épée fusil, où en fait, il peut soit tirer un coup de feu, soit te mettre des coups d'épée. Et même son arme à distance, j'ai pas l'impression qu'elle fasse si mal que ça, j'ai pas l'impression qu'il m'ait touché. C'est un pistolet à billes airsoft. Ouais, limite. Ça limite, fait mal, alors, ça, des fois. Ouais, ou alors il a une précision, oui, je confirme. Ou alors il a une précision qui est vraiment pourrie, mais du coup j'en ai parlé un peu sur Twitter et les devs ont dit qu'ils étaient au courant et qu'ils allaient corriger ça. D'accord, ouais, donc ils vont le patcher pour le rendre un peu plus intéressant, quoi. Voilà, Sin Studio va patcher ça. Alors après, la mage est pas très longue, j'ai dû mettre 25-30 minutes pour finir la mise à jour. Mais bon, encore une fois, voilà, c'est gratuit, il y a eu la mise à jour du Père Noël juste avant, donc ils suivent, ils continuent à ajouter du contenu, on paye pas. C'est ça le plus important. Ça permet de relancer le jeu de temps en temps, donc c'est toujours sympa. Voilà. C'est bien. Sin Studio, quand même, ils nous ont fait les zombies, ils nous ont fait la mage des armures récemment, là ils nous balancent les pirates. Du coup, le jeu s'étoffe, et c'est un jeu qui était déjà bien noté, que tu avais déjà bien noté, Majo, au départ. Ouais, je l'ai trouvé très sympa. Et ils sont généreux comme développeurs, malgré que, tu vois, je m'attendais pas à eux ici, parce qu'ils avaient quand même fait... ils avaient mal démarré, ouais. Warzone, ou... Non, comment il s'appelait ? C'était Warzone, je crois que c'était Warzone, terrible, ouais. Qui n'était pas terrible du tout. The Perfect Sniper. Et là, franchement, The Perfect Sniper était déjà mieux que Warzone, mais là, franchement, là, bravo, quoi. C'est bien, ils sont présents, ils offrent du contenu régulièrement... D'ailleurs, il y en a pas mal des développeurs VR justement qui font ça, si pour faire une petite digression, notamment ceux qui ont fait Moss, qui ont rajouté tout un pan avec Garden, des salles supplémentaires, avec en plus que tu retrouves au fur et à mesure dans le jeu, qui parsème le jeu, qui permet, une fois que tu l'as déjà terminé, à la limite quand il est sorti, tu peux redécouvrir encore des trucs quand tu le refais. Et là, j'ai fait, quand j'étais un peu... ces derniers jours, j'ai refait Trover Save the Universe. tu peux te foutre de ma gueule avec mon anglais. C'est pas facile à dire. Trover Save the Universe. Merde. Enfin voilà, vous avez compris. Ah bah putain, Trover Save the Universe. Trover Save the Universe, ok. qui est de Scrunch Game et qui est vraiment pas mal. Et justement, ils ont rajouté aussi des DLC gratos, comme ça t'as une mise à jour de 3 Go quand tu le réinstalles, et t'as un jeu d'aventure supplémentaire à l'aventure principale que tu peux faire, qui dure en plus assez longtemps gratos. Et donc du coup, de temps en temps, c'est bien de retrouver les vieux jeux sur PSVR pour redécouvrir en fait un nouveau contenu en fait. Alors quand c'est fait avec un jeu qui a déjà du contenu à la base, ça va. Ouais. Par contre, c'est fait avec un jeu où le contenu est déjà très léger à la base et qu'on t'en rajoute au fur et à mesure, là c'est moins bien. Ouais, ça fait plus early access là, mais là on parle vraiment de jeux Moss ou Trover Save the Universe. C'est des jeux qui étaient Merci. Qui était déjà plutôt charnu, quoi, qui avait déjà pas mal de. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que je voilà. dis même Moss. Hein, ouais. C'est pour ça que je te dis que c'est bien quand c'est des jeux qui sont comme ça, ça va. Voilà. Donc voilà, c'était tout. C'était juste pour dire saluer les développeurs qui sont généreux avec les joueurs qui leur ont fait confiance. Ouais, puis je voulais le redire, le jeu il coûte 17€ quand même, enfin 16,99€ ou 17,99€, je sais plus. Il est vraiment pas cher et puis ouais, t'as bien 8-10 heures de contenu maintenant avec les 3 mises à jour qu'ils ont rajoutées. Et surtout, ça fait faire du sport parce que j'ai transpiré, mais comme un cochon. Il est hyper physique, ce jeu, c'est impressionnant. Par rapport au combat de... Ah merde, j'ai bouffé son nom à lui. Golem ou Sword of Gargantua, et Swordman est quand même un niveau au-dessus, quoi. Ouais. D'accord. Sword of Gargantua, ouais, il est... Les combats sont plus nerveux en fait, mais son problème c'est le PSVR. Parce que quand t'as des mecs qui te sautent par-dessus la tête et tout, pour te retourner, c'est hyper long. Tu te pends. Et le tracking il est trop compliqué pour ce jeu. Vraiment. Il a la ramasse. Bon, mais après il y avait les graphismes aussi, mais ça c'est encore autre chose. D'accord. Ok, est-ce qu'on peut démembrer le Kraken? Non, ah oui, c'est vrai, je voulais rajouter ça. Démembrement, sur la mise à jour des pirates, ça fonctionne. Ça fonctionne aussi sur le reste du jeu, donc tous les épisodes précédents. Et par contre, c'est assez compliqué de démembrer quand même. Voilà, il faut bien trancher, pareil, il faut bien régler votre caméra et et être bien positionné face à elle. Et c'est assez simple de démembrer les têtes, c'est plus dur de démembrer des bras ou des jambes. Voilà. Des membres. Des membres. Parce que démembrer une tête, en fait, c'est pas possible. Décapiter, ça s'appelle décapiter. C'est ça. C'est ça. Merci. Les vrais savent. Tu commences à être sarcastique. T'as vu? J'ai un bon maître. Je vois matière. Ça. Ok, bon, en tout cas, Swordsman, une bonne pioche qui se bonifie avec le temps comme un bon vin, donc ça fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, mon petit Lolo? Layers of Fear qui arrive le 29 avril. Je crois que c'est ça, oui, c'est le 29 avril. J'ai envie de dire. Enfin, oui, bonne surprise. Donc, on le savait déjà, on avait déjà fait un petit article là-dessus il y a pas mal de mois. Donc là, ça y est, cette fois, c'est clair, c'est annoncé, c'est sur le PlayStation Blog, c'est annoncé. C'est pas un gros jeu, hein, parce que c'est plutôt une expérience qui va durer à peu près 5 heures si je dis pas de bêtises. Alors 5 heures la mission principale, et si en plus il y a le DLC qui était avec, je crois que c'est 1 heure ou 1 heure et demie supplémentaire, donc tu peux dire 6 heures et demie. Ce qui est déjà pas mal, et puis surtout c'est un jeu qui a remporté pas mal de succès sur PC, qui a réussi sur Steam à récupérer énormément d'avis positifs. Donc ça fait toujours plaisir de voir arriver ce genre de jeu. C'est pas un truc où c'est qu'on va rencontrer plein de monstres ou des machins, c'est plutôt des ambiances de merde. En fait, on prend la place d'un peintre. C'est ça, hein, c'est un peintre. C'est ça. Et il va falloir. Le peintre est apparemment complètement psychédélique, complètement taré. Il est psychotique. Et ses œuvres vont prendre vie, donc dans une ambiance bien glauque et tout. Ça a l'air d'être plutôt joli, plutôt bien fait. Il y a un super retour sur Steam, sur tous les joueurs PC. Et il arrive enfin sur PSVR, donc c'est que du bonheur. Alors juste parce que moi je l'ai fait sur je l'avais fait en plat à l'époque sur PC, je l'ai fait en VR sur PC également, j'ai fait le 2 sur PC, mais tout le monde s'en fout parce que je l'ai fait, j'ai déjà tâté un petit peu, en le disant je me suis dit mais ça n'a aucun intérêt ce que je raconte, c'est Bluebird Team c'est ceux qui ont fait aussi Observer. Blair Witch qui est sorti il y a un an à peu près, je crois, à peu près, et puis The Medium aussi, le nouveau jeu next gen de Xbox, qui est tellement next gen qu'on dirait un jeu PS2 dans ses mécaniques. C'est un bon studio. The Medium, c'est pas l'exclusivité Xbox Series X qui sort sur PS5, non? Je sais pas s'il sort sur PS5, mais j'ai cru entendre qu'il allait débouler. Oh, peut-être. C'est un jeu très old school, hein, mais bon, là n'est pas le sujet. Même si j'ai bien aimé quand même. Bluebird Team, voilà, c'est des bons, et notamment ils ont fait Observer, qui est un chef-d'œuvre, tout simplement, de narration, d'ambiance. Ils ont toujours aimé en fait les jeux à ambiance où ils te retournent un petit peu le cerveau. Il y a beaucoup d'effets sur les décors qui essayent de te perdre un petit peu, de te faire de te faire une perception un petit peu. On sent que les personnages, en tout cas, ils sont, voilà, ils sont pas tout seuls dans leur tête et qu'ils voient des choses qui n'existent pas et qui se transforment. Et on voit des gens qui sont morts. Voilà, c'est des espèces de cauchemars éveillés en général. Et donc, Layers of Fear, c'est un des premiers jeux qu'ils avaient fait et qui les ont fait vraiment connaître et qui ont, où il y a vraiment la patte du studio. Et en VR, ça rend très très bien, justement. Tu as des déformations des décors, des distances, des moments où tu as l'impression que les choses bougent alors qu'elles bougent pas, ou qu'elles bougent pas alors qu'en fait elles bougent. Tu te fais complètement retourner la tête et ça fonctionne extrêmement bien en VR. En tout cas, sur PC. Celui-là, je suis complètement hypé, celui-là. Il y a des choses, tu regardes des tableaux, les tableaux changent, mais tu vois, c'est des choses que tu vois un petit peu du coin de l'œil. C'est pas un jeu qui fait foncièrement peur, en fait, sauf il te met peut-être la trique 2-3 fois pendant que tu le parcours. Mais c'est un jeu vraiment qui te rend mal à l'aise, en fait, où tu t'es perdu, t'es dans la psyché. En plus, t'as un personnage dans son histoire là, qui est extrêmement torturé, à qui il est arrivé pas mal de crasse. Donc, c'est un jeu où t'es pas bien, quoi. C'est un jeu où t'es pas bien. Mais comme Years of Lies. Years of Lies. Ah oui, Years of Lies. Avait pas ce côté transformation en temps réel des décors, par exemple, ou des images que tu peux avoir autour de toi, des tableaux, ou tu voyais pas forcément des trucs qui étaient bizarres, en fait, arriver dans un endroit qui avait aucun sens dans Years of Lies, et tu le parcourais au fur et à mesure. C'était donc relativement malsain quand même. Là, c'est vraiment plus le cauchemardesque, en fait, Layers of Fear. D'accord. Donc voilà. Et donc un petit truc aussi, c'est Observer. Donc maintenant Bluebird Team qui je crois font des exclus notamment Xbox comme The Medium, donc qui va peut-être sortir après sur PS5. Ils sont quand même pas mal dans la VR aussi, parce que Blair Witch doit sortir normalement sur Quest. J'espère aussi qu'il sortira dans une vraie version. Pas forcément une version de téléphone portable sur PC, ça serait cool, voire même sur PS5, ça serait vraiment encore plus cool. Et il y a Observer aussi qui permettait, en fait, en changeant un fichier du jeu, de le mettre en VR, de l'avoir en VR, c'était inclus dans le jeu. Et il y a à peu près un an et demi ou deux ans, si je dis pas de bêtises, ils ont viré cette option. Qu'ils vont se faire racheter par Microsoft. Non, j'espère pas. Ça serait vraiment la merde. Non. Ce qui me fait dire que ils seraient pas en train de nous préparer une version officielle d'Observer en VR. Ça pourrait être tout à fait possible. C'est-à-dire virer en fait l'option qui permettait justement d'y jouer en VR sur le jeu d'original, et pouvoir avoir une nouvelle version comme Layers of Fear en VR. Ça serait bien. Avec pourquoi pas dans la lignée Blair Witch aussi, et puis Layers of Fear 2 qui serait aussi sympa à avoir en VR. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. À mon avis, Bluebird Team, s'il reste patron sous l'aile de Xbox, pourrait faire des bonnes choses en VR. On croise les doigts. Je dirais pourrait faire des choses en VR tout court. Bah oui, mais des bonnes choses. En plus, parce que quand même, ils ont des jeux qui sont plutôt solides. Hein. Moi, celui-là, il me botte de toute façon dès qu'il sort. Donc c'était Layers of Fear. Très bien. Ensuite... Ah bah tiens, on parlait de Microsoft, on va en parler un peu là, parce que... on va parler ça fait longtemps. Après Facebook, Microsoft. Inxile Entertainment, donc le studio qui nous avait servi The Match Tale sur PSVR, donc qui a été racheté, ils ont annoncé le 10 novembre 2018 qu'ils étaient rachetés par Microsoft. Donc Inxile, je sais pas comment tu dis là, Inxile ou ouais, bref, Inxile. Ouais. Là ils ont battu un record du monde, parce que ils avaient sorti un jeu qui, je l'avoue, était pas super génial, était pas super aimé sur PC, c'était Frostpunk VR. Et donc ce jeu-là était sorti le 1er décembre 2020 sur Steam. Il y a eu des critiques, hein. Il y a eu les joueurs PC qui ont commencé à dire qu'il était pas mal. Le trailer est plutôt chouette, hein. C'est un espèce de Farpoint multijoueur qui est sur des autres planètes avec des monstres gigantesques. Enfin, c'est un truc qui claque bien quand même. Hein. Et donc le jeu est sorti le 1er décembre 2020 et on vient d'apprendre il y a un jour ou deux que les serveurs seront définitivement fermés à partir du 9 mai 2021. Donc on apprend que le jeu est terminé 4 mois après sa sortie officielle. Donc je crois que c'est un record qu'un serveur ne tienne pas plus de 4 mois sur un jeu. Et en même temps, InXile là n'ont rien fait pour améliorer le jeu. Donc ça laisse une grosse impression qu'ils ont un peu lâché le truc en fait. Ils savaient déjà il y a 4-5 mois que le jeu, de toute façon, ils n'allaient pas le continuer et puis ils l'ont laissé mourir pour nous le annoncer. Le problème, c'est que ce genre de jeu déjà donc qui coûte 21€ sur Steam, hein, donc c'est pas un jeu gratos. Hein, ouais. Il n'y a plus personne sur les serveurs en fait parce que les gens ont essayé, le jeu fonctionnait pas quand il est sorti, je pense qu'il est resté trop longtemps aussi sans être patché. Ah. Ce qui fait qu'il s'est pris des sales rouges de partout. Quand t'as sorti un jeu dans ces conditions là c'est très compliqué de remonter la pente, hein, même s'il est patché après. Essayer de faire revenir les joueurs sur un jeu multi en plus en VR. Je suis d'accord, sauf qu'un moment, ils se disent, un développeur indépendant qui travaille depuis 3 ans sur son jeu, dans les 3 jours, s'il y a un problème, il le patch. Là, ils ont rien fait pour. Quoi. Ils n'ont pas été suffisamment réactifs, peut-être. Ouais. Non, ils n'ont rien fait pour. Et le bouche à oreille n'aidant pas. Ils se sont fait fracasse. Mais le souci, c'est que voilà, on ferme les serveurs 4 mois et demi plus tard. Ce qui est quand même, et puis bon, maintenant qu'ils font partie des Xbox Game Studios, je pense que le studio va être utilisé plus pour alimenter le Game Pass que sortir des jeux VR. Donc c'est ce que je disais, la crainte aujourd'hui c'est de ne jamais voir arriver Hellblade 2 alors que le Hellblade 1 était excellent, et également que Bethesda lève le pied, par exemple, qu'il sorte qu'un jeu et pas beaucoup de jeux, je sais pas. C'est vrai qu'on sait que Xbox, dès qu'on leur demande alors les VR, quand est-ce que vous y allez, ou est-ce que vous voulez essayer de communiquer un petit peu dessus, etc., à chaque fois on a des retours en disant non, ça ne nous intéresse pas et c'est basta. C'est ça. Et terminé. Et c'est vrai que on a de moins en moins d'espoir d'avoir du Hellblade 2 en VR, quoi. Et c'est vraiment dommage parce que studio qui est derrière et eux sont pro VR, mais s'ils ne sortent pas, en tout cas, ça veut dire qu'ils ont vraiment ils sont pieds et poings liés sur le développement de leur jeu. Et que... c'est ce qui m'a choqué, parce que le premier discours de Microsoft quand ils ont racheté InXile Entertainment en 2018, Xbox avait déclaré, en parlant de ce studio, ils continueront à fonctionner de manière autonome avec leur talent, leur propriété intellectuelle et leur expertise unique, tout en ayant le soutien et la liberté nécessaire pour réaliser pleinement leur ambition créative. Donc tu te dis que d'un côté, eux qui étaient bien partis dans la VR parce qu'ils avaient déjà sorti déjà 2 jeux et puis je pense qu'ils voulaient peut-être et puis là de voir un jeu qui est complètement stoppé net au bout de 4 mois, est-ce qu'ils ont réellement maintenant cette liberté qui était tant annoncée d'un point de vue marketing? Je sais pas. Et cette réponse-là, on l'aura certainement en voyant comment Bethesda réagit au niveau de la VR, alors qu'ils étaient quand même un studio qui était vraiment en avance sur la VR. Et puis on verra aussi ce qui se passera sur Hellblade 2. Est-ce que Microsoft vont quand même laisser un petit robinet ouvert et laisser les studios qu'ils ont rachetés, s'ils ont envie de faire de la VR, de faire de la VR? Ou est-ce que au contraire, ils vont leur mettre une pression telle qu'ils vont leur dire, nous on a payé les studios, c'est pour donner à bouffer à notre Game Pass, il n'y aura plus de VR. Et ça, on va le savoir petit à petit. Dans les années qui vont arriver, quoi. Ok. Un peu tristoun, hein, cette news quand même. Hein. Oui, ça faisait pleurer. D'ailleurs, combien j'ai eu de gens qui pleurent là? J'en ai 3 gens qui pleurent sur celui-là. 3 gens qui pleurent, 4 en colère. Et, voilà. Et 4 en colère. Voilà. J'aime bien regarder mes petits gens pour voir comment on va faire un petit bilan sur chaque news à chaque fois. Et n'empêche, ça donne une bonne. Enfin, c'est un bon baromètre, hein, mine de rien. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal comme système. Voilà. Ok. On parle d'un autre jeu qui. Un autre jeu qui est vendu avec un pack de drogue. D'accord. Straylight. Un espèce Straylight. De Tarzan interstellaire, comme j'avais mis dans le... Donc en gros, c'est une espèce de Jupiter Grade, sauf que ça se passe dans l'espace et que les lianes, c'est des lasers. Je pense que c'est un jeu scoring où il va falloir s'agripper en fait, à des petites planètes qui seront en suspens. C'est un truc un peu complètement barré, psychédélique. Alors encore une fois, ça peut être très très bien parce que finalement, Beat Saber, quand tu regardes... c'est pas grand chose, mais ça fonctionne. Donc ça peut fonctionner s'il y a de la super zik et si on est un peu sous stupéfiant, je sais pas. En tout cas, bon, c'est pas un truc au premier abord qui emballe des masses, mais bon, ça sort, ça arrive. Troisième trimestre 2021. Il va arriver sur Rift, sur Rift S, sur Valve Index, sur Vive, sur Windows Mixed Reality, sur Quest et sur PlayStation VR. Ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'ils ont dit aussi qu'il est arrivé sur le Rift, sur le Oculus Rift 2. Deux. Ouais, donc je pense que quand ils ont tapé celui qui a abandonné, non ? Quand ils ont créé leur site internet, je pense qu'il y avait le Quest qui n'était même pas sorti encore. Ouais, bon. Donc voilà, un espèce de jeu un peu loufoque qui fonctionne comme Jupiter Grade, et puis on va passer entre s'agripper aux planètes, passer entre des cerceaux, puis ça va devenir de plus en plus compliqué avec des obstacles qui vont arriver. Il faut éviter les obstacles. Ça doit certainement être quelque chose qui va être assez physique. Et puis voilà, ça arrive. Donc on a fait un article dessus. Si vous voulez en savoir plus, il y a le trailer sur le site. Voilà, on va triper en tout cas avec voilà. Ok, ensuite nous avons Redemption's Guild, on peut en parler de celui-là ? Bah oui, c'est une mauvaise nouvelle encore. Ouais, ouh, c'est le podcast de la fête. Hein, le problème c'est qu'on est là pour annoncer des news et puis des fois elles sont mauvaises. Et puis, Oh là là, franchement vous êtes vraiment négatif hein, chez Verfor Player, hein, c'est bien que ça. Alors, que des mauvaises nouvelles, c'est triste. Voilà, c'est triste. Redemption Guild, développé par Unlit Games. Donc, Sébastien, en fait, on le salue d'ailleurs si tu nous écoutes hein. C'est un jeu qui est annoncé depuis 2016 et donc on avait déjà fait des articles dessus. Alors au début les premiers articles, bon, bah, c'était encore des phases alpha du jeu qui n'étaient vraiment pas abouties, donc ça ressemblait un peu à rien. Maintenant ça commence à avoir plutôt de la gueule. C'est un MORPG, donc un monde ouvert multiplayer. Donc, je vous dis pas en ressources, c'est plutôt gourmand. Ça fait penser, le dernier qu'on a, c'est lequel qu'on a vu il y a pas très longtemps Zenith. Passé. Qui était pas très joli non plus, mais en général, ils sont pas très jolis ces jeux-là. Ah oui, on en avait parlé. Je me suis... voilà, Zenith. Ça m'a marqué, toi. Je sais plus le nom. Zenith, c'est ça. Donc, mais t'es bien loin, Majo, là, on t'entend loin. C'est vrai ? Ouais, on entendait. C'est parce qu'il cherche dans ses archives. Ça fait 5 fois que je hurle. Ah, mais tu hurlais, mais on n'entendait rien. Mais c'est ça. Alors, l'annonce, parce que c'est bien beau tout ça, mais il faut parler du jeu. Les développeurs, ils ont publié cette semaine un petit mot pour prévenir les joueurs PSVR qu'en gros, on allait l'avoir dans le 1. Alors ils ont mis, en tant que petite entreprise indépendante composée aussi de joueurs, nous recherchons la transparence, qu'il s'agisse de nos newsletters mensuels ou de nos sondages sur le site web. Nous sommes fiers de notre honnêteté avec la communauté. En disant cela, nous avons quelques inquiétudes quant au lancement du jeu sur PSVR, sur PS4, les spécifications matérielles nécessaires pour atteindre les 90 FPS cohérents, nécessaires pour la réalité virtuelle, sont suffisamment solides sur PC, mais semblent extrêmement difficiles compte tenu des spécifications matérielles du PSVR. Ils ont rajouté également que maintenant, nous ne disons pas que Redemption Guild ne vient pas sur PSVR. Donc, c'est là où je ne comprends pas, parce qu'ils ne disent pas qu'il viendra. Mais ils rajoutent, alors bon sang, nous sommes déjà en partenariat avec Sony, nous avons les kits de développement en interne. Cependant, nous craignons que l'expérience que vous aurez sur le PSVR soit extrêmement dégradée, et ce n'est pas ce que nous voulons offrir à nos fans. Nous n'aurons pas de détails solides sur l'état du lancement du PSVR avant l'année prochaine, lorsque le jeu sera lancé sur PCVR. Et enfin, il précise que nous présentons nos sincères excuses. Alors déjà, quand un studio de développement commence à faire ses excuses, ils mettent même une adresse mail pour que les gens qui ont commandé le jeu sur PSVR se fassent rembourser. Donc c'est là où j'ai pas compris en fait leur communication, c'est que d'un côté ils te disent qu'ils ne disent pas que leur jeu ne sortira pas sur PSVR, mais d'un autre côté ils remboursent les gens et ils présentent leurs excuses. Parce que je pense qu'ils vont essayer, mais vu qu'ils peuvent pas assurer la livraison du jeu sur PSVR, en tout cas en étant sûr, en tout cas à mon avis c'est plus sur leur roadmap de développer sur PSVR, ben, ils préfèrent rembourser les gens, quitte après à, dans un an et demi, ou peut-être voir sur PSVR 2 et PS5, ben, pouvoir reproposer le jeu à la vente. C'est ça. Ben, déjà, le jeu arrivera sur PSVR dans un an. Donc, s'il doit arriver dans 2 ans sur PSVR, d'ici là, je pense que la PS4, ils l'auront oublié. Ah oui, c'est clair. Donc, oui, bah, c'est peut-être ça. Hein. C'est, voilà, c'est peut-être un jeu qui est relativement gourmand. On sait que ce genre de jeu, c'est gourmand de toute façon. Donc, voilà, c'est une mauvaise nouvelle sans en être une, hein, parce que pour l'instant, on n'avait pas vu grand-chose. Donc, autant qu'ils disent rien et qu'ils avancent leur boulot et qu'ils nous le présentent plus tard. Exact. C'est exact, tout à fait. Eh ben, écoute, tant pis, Redemption's Guile, putain, on galère avec l'anglais ce soir. Ouais, Bah, ça sera pour plus tard, du coup. Ensuite, est-ce qu'on va parler aussi de... Martha. De Martha. On parle de Martha. Oui, Martha. De Martha, Martha qui est morte. On va les dire en français. Martha est morte. Feu Martha. Alors, Martha qui est morte. Voilà. Martha qui est morte. Martha is dead. Alors ça, c'est un jeu qui n'est pas annoncé ni sur PSVR ni sur PCVR, mais cependant, c'est un jeu qui a énormément marqué la communauté VR, qui a même harcelé les développeurs depuis son annonce. C'est un jeu qui a été annoncé par Wired Productions, donc c'est les éditeurs du jeu. Et donc, ils font un petit peu, comme tout le monde, leur Wired Direct, qui était le 29 mars. C'est à cette occasion qu'on avait découvert Teen Hearts, le petit jeu tout mignon avec des petits personnages en bois, super sympa. Donc on a fait des articles dessus. On en a parlé la semaine dernière. Voilà. Et ils ont fait, ils avaient annoncé ce jeu, Martha is Dead. C'est simple, il suffit de regarder le trailer. Et quand on voit le trailer, c'est un jeu à la première personne. C'est un jeu thriller psychologique qui a par moments des petits aspects de gameplay qui rappellent Resident Evil 7. Et forcément, quand tout le monde a vu ça, de partout, hein, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., ils ont eu la question de partout, est-ce qu'il sortira en VR ? C'est un jeu qui est fait pour la VR, il faudrait que ce soit en VR. Et donc, nous aussi, on les a pas mal harcelés, notamment sur le premier trailer sur leur chaîne YouTube, et ils nous avaient répondu. Donc la question c'était simple, hein, est-ce que votre jeu va sortir plus je regarde votre jeu et plus je vois un jeu VR, quoi. Et je leur avais demandé est-ce que vous avez prévu de le sortir en VR, et leur réponse à ce moment-là c'était: cette question est très fréquente, on nous la pose souvent et nous allons en parler très bientôt. Alors, je dis il y a une porte ouverte là. Ils n'ont pas dit non, il y a une porte ouverte. Donc ensuite, autre point qui était intéressant, c'est que donc Wired Productions sort un magazine en Angleterre qui s'appelle Wireframe, et dont la couverture ce mois-ci est justement Martha is Dead pour présenter leur futur jeu. Et ils n'ont rien trouvé d'autre comme phrase d'accroche sur cette couverture de mettre que c'était le thriller qui vise à brouiller le jeu et la réalité. Donc ce que je disais, c'est que pour un joueur lambda, en fait, ils partent du principe que le jeu, c'est vrai qu'il est photoréaliste, il est vraiment très très très joli. Et le fait qu'il soit photoréaliste, pour eux, c'est tellement photoréaliste que ça va se mélanger, ça va mélanger le jeu et la réalité tellement c'est bien fait. Alors que pour un joueur VR, mélanger le jeu et la réalité, ça a un tout autre sens. Et il n'existe qu'une seule et unique solution possible pour rendre ça, c'est la VR. C'est vrai que ce titre-là, il peut être ambigu. Ça me rappelle un petit peu ce qu'avait fait, c'était qui avait fait ça, qui nous avait présenté, qui avait teasé une première affiche avec on aurait dit un casque de réalité virtuelle, puis après on s'est aperçu que c'était un masque à gaz. C'est pas Layers of Fear 2, justement. Non, je sais plus qui c'était. C'est Red Barrel, je crois, qui avait fait ça. Oui, tout à fait, c'était Red Barrel. Oui. C'était, ouais. Merde, comment il s'appelle le jeu là où tu fais que fuir là J'ai bouffé le nom. Je suis sur le bout de la langue. Et donc là c'est pareil, c'est ce titre-là. Et quand tu Outlast. Vois le titre, oui, Outlast, c'est 2. Outlast. Mmh. Voilà. Et donc, cette semaine, ils sont encore fait à poser la question, parce que si vous allez faire un tour sur leurs réseaux sociaux, vous apercevez que ça fait plaisir, parce que c'est assez fréquent maintenant qu'il y ait des gens qui posent la question sur la VR. En 2016, on était les seuls. Et là, maintenant, on voit qu'il y a des joueurs qui réagissent. Et on leur a reposé la question récemment, et ils ont répondu le 7 avril. Et le mec a répondu « Sérieusement, je n'ai pas l'intention de promettre quoi que ce soit, mais je ne veux pas non plus dire non. Cependant, si nous prenons en charge la VR, nous le ferons certainement de la bonne manière, c'est-à-dire que les commandes seront adaptées à la meilleure expérience VR possible. Il faut que le jeu et les sensations soient parfaits. C'est certain, voyons ce que l'avenir nous réserve, avec le petit smiley à la fin qui cligne d'un œil. » Un petit smiley qu'on aime quand bien. Quand il y a le petit smiley à la fin qui cligne d'un œil, c'est que t'en prends souvent des clins d'œil en ce moment. On m'allume, mais grave. Allumez-je. C'est chaud. Donc, eh ben, ce jeu, c'est clair que pour moi, c'est un jeu qui doit être sorti en VR. Surtout qu'il y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est que les joueurs VR, maintenant, il y en a de plus en plus. Ça, on en est tous conscients. On n'est pas très nombreux parce qu'on reste quand même dans une niche, mais il y a de plus en plus de joueurs. La petite niche devient une moyenne niche. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pas mal de joueurs, quand je discute avec des joueurs qui se sont tapés un Resident Evil 7, un Resident... pas un Resident Evil 8. Parce que Evil 8. mais tous les joueurs VR, c'est sûr qu'il y en a certains, dont je fais partie, qui, même s'ils trouvent un jeu comme Martha is Dead pas mal, n'y joueront pas, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se spoiler la version VR si elle arrive plus tard. C'est ça. Donc, en tant que développeur, je me demande si c'est pas un désavantage aujourd'hui de sortir ce type de jeu et de ne pas proposer. C'est comme un jeu de bagnole en fait qui n'a pas sa version VR pour des fans de course automobile qui ont le volant, le casque VR et tout ça. Et ben là pour un jeu d'horreur comme ça, quand on sait le succès qu'a remporté Resident Evil 7, je me demande si en tant que développeur, il faudrait quand même pas en sortir une version VR. Justement pour ne pas se priver d'un petit pourcentage, mais ça fait des millions de personnes quand même. Et en tout cas, l'annoncer au plus tard quand le jeu sort en version plate. Voilà. C'est-à-dire que même s'ils ne le sortent pas, même si c'est une petite structure et qu'ils n'ont pas le temps ou pas les moyens de le sortir directement en VR, de dire attention, on sort le jeu, mais on est en train de bosser, dans 6 mois, vous allez avoir une version VR. Ça ne va pas empêcher les gens qui sont intéressés en plat d'y jouer et de l'acheter direct. Et en tout cas, ça permettra... tous ceux qui sont fans de VR, effectivement, d'attendre un petit peu, d'être patient et puis de le prendre plus tard. Là, le studio de développement, c'est LKA qui développe le jeu. Par contre, l'éditeur, c'est un gros, gros éditeur qui ont beaucoup de sous. Donc, les éditeurs, si vous pouvez servir un peu de banque et puis donner un peu de sous aux développeurs pour nous le pondre en VR, vous aurez un retour sur investissement parce que je pense qu'aujourd'hui, la VR, sur un jeu comme ça, peut être rentable. Surtout, ouais, là-dessus, à mon avis, c'est rentable. Qu'est-ce que je lis sur ton article développé par le studio LKA, Martha is Dead devait être un jeu exclusif à la Xbox Series X. Au départ, ça devait être un jeu Xbox Series X, mais le premier trailer, il a le logo PS5. Donc Alors, raison de plus, parce que le fait de voir le logo PS5 avec un jeu comme ça, tu te dis putain, mais il faut le faire sur le PSVR 2 ce jeu. Je suis bien conscient qu'il ne pourra pas tourner sur PS4, mais par contre... C'est vrai qu'il est beau. Hein. Ah oui, il est chouette. Après, tu parles du fait de le sortir à la fois en VR et en plat, mais malheureusement, si c'est un jeu qui est trop beau pour la PS4, le PSVR 2 n'étant que pour l'instant annoncé, entre guillemets, et sans date de sortie officielle ni rien, il faut bien que leur jeu y sorte, donc ils sont obligés de le sortir en plat d'abord et en VR ensuite. Oui, c'est pour ça que je dis qu'ils annoncent qu'ils travaillent sur une version VR, tu vois. Comme ça, ils peuvent le sortir dans 2 mois, leur jeu, en plat, et puis dire, attention, il y aura une version VR quand le matos le permettra et quand il sera dispo, le développement sera terminé. Justement, comme tu dis, après, ça bride les gens s'ils veulent le faire en VR de ne pas l'acheter en plat parce qu'ils veulent pas se spoiler, etc. Les joueurs VR, c'est quand même pas la majorité des joueurs. Le prendront certes. Enfin, il y a un pourcentage de joueurs VR qui ne le prendront pas, même qu'ils soient annoncés en VR ou pas, parce qu'ils vont dire je le prends pas parce que s'il sort, même sans, donc ils vont pas le prendre. Et si en plus on leur annonce, ils diront je le prends pas parce que j'attends la version VR. Donc dans les deux cas, ils le prendront pas. C'est ça. Moi, c'est mon cas aussi. Hein. Ah, moi, c'est je suis comme ça. Un jeu comme ça, moi, c'est en VR. C'est pas autre. Moi, je veux dire, Elder Scrolls 6, quand il sortira, et pourtant, Dieu sait que je l'attends, je le prendrai pas. Et c'est la première fois depuis Morrowind que je prends pas un Elder Scrolls Day One. Mais je le prendrai pas parce que j'attends. Non, mais celui-là, il sortira jamais en VR. J'attends la version VR. C'est fini, ça. Laisse-moi rêver. L'espoir fait vivre. VR. Mais, bien sûr qu'il sortira en VR. C'est obligé qu'il sorte en VR. Non, mais il me semble que la police avait interviewé Phil Spencer et qu'il avait répondu que la VR c'était caca. Ouais, c'était caca. Donc, c'était VR, c'est caca. Je pense que personne ne demande de VR de toute façon. De VR, c'est caca. Je préfère le VR. Ok, c'est ça. Filou, bisous. Ok, ça marche. Et écoute, Martha is Dead, c'est vrai que Ouais. Ça serait vraiment pas mal. Ça serait cool. En tout cas, ça fait un petit moment que j'emmerde tout le monde avec ce jeu parce que je l'ai dans le collimateur. C'est vrai. Et puis, j'attendais d'avoir quand même un petit contenu pour pouvoir en parler. Puis là, quand j'ai vu qu'ils ont reparlé de la version VR, je dis oh putain, ils en reparlent. Allez, cette fois, je fais un article. Voilà, c'est une exclue donc VR4Player, une exclue rumeur. Voilà. Faites-vous plaisir. Ça marche. Je pense qu'il nous reste encore à parler de ce. Comment on peut appeler ça, un chef-d'œuvre? Alvo? Non. Alvo, c'est en dernier. On parle de Resident Evil, vite fait. Resident? Pour dire que, il y a un truc ce soir et peut-être qu'il va être en VR. Il est 22h40. Dans 1h20, il y aura le Resident Evil Showcase. Ouais, donc dans 1h20, on sera à nouveau déçu qu'il n'y aura pas de VR. Super. Dans 1h50, on sera tous en train de chialer notre mère, en train de dire « Tiens, ils nous ont encore pris pour des cons, il n'y a pas de VR. » C'est ça. Sauf que, il y a quand même des choses bizarres qui se passent autour de ce Resident Evil. Alors, moi, personnellement, si vous me demandez, je suis convaincu qu'il y aura un Resident Evil 8 Village en VR. Je ne sais pas quand, mais je suis convaincu qu'il arrivera. Et puis, il y a quand même des choses bizarres. Le 16 novembre 2020, voilà, il y avait le site PCGamer.com qui nous avait informé que le site de Capcom avait été piraté par un groupe de pirates informatiques qui s'appelait Ragnar Locker. Et ils avaient volé en fait 1 Tera de données sur les serveurs de Capcom. Et ça avait été relayé sur 4chan. 4chan. Oh, bien. Oh, joli. Oh, comme je l'ai bien fait. Bien. et donc cette fuite, en fait, bon, bah, à l'époque, on s'en foutait pas mal parce que, comme je le dis souvent, moi, ce qui sort de ce site, il y a 99%, c'est des conneries. Alors, donc, je m'en méfie. Mais par contre, dans l'eau, ils avaient annoncé qu'il y aurait une version VR de Resident Evil 4. Donc, on ne sait pas si c'est un remaster ou un je ne sais pas quoi ou un remake. Ça, j'y crois pas. J'y crois vraiment pas. Et que ce Resident Evil serait apparemment une exclusivité Oculus. En plus, ils avaient précisé que ça devrait être annoncé en avril 2021. Donc là, on est pile en avril 2021. Donc cette rumeur, on passe un coup de balai, on l'oublie, on se dit « Ouais, c'est des bobards, pour l'instant, c'est pas... » Sauf que ce qui est intéressant cette semaine, c'est que en fait, l'annonce du showcase de Resident Evil ne se fait pas sur la chaîne de Capcom, mais sur la chaîne de PlayStation. Et au moment où ils ont partagé le showcase, donc le showcase RE sur la chaîne PlayStation, il y a quelqu'un qui a aimé et retweeté le tweet du showcase de Resident Evil, c'est Chris Pratt. Et lui, c'est le Head of Development Relations de chez Oculus et il est directeur du contenu chez Oculus. Et lui, il a liké et il a retweeté le showcase Resident Evil de ce soir. Ce qui est totalement bizarre, c'est vraiment la première fois qu'il y a une personnalité de chez Oculus qui retweete un truc de Capcom. Et surtout Resident Evil, pour l'instant, mis à part Resident Evil 7, il n'y a rien en VR. Donc soit, y a un Resident Evil 7 qui va débouler sur Oculus, sur le store Oculus. Donc faut pas rêver, hein, ce sera pas sur le Quest standalone. Là on parle de PC. Soit ils ont peut-être signé quelque chose avec Capcom et ils vont avoir droit à une version ou alors peut-être même Resident Evil 8 qui va arriver en même temps sur PC et sur PS5. Quoi qu'il en soit, non seulement il a tweeté et retweeté, mais quelques heures juste après qu'il ait fait tout ça, qu'il ait retweeté, il y a Oculus qui a annoncé le premier événement, le premier événement de l'Oculus Game Show. C'est la première fois, ça va être un rendez-vous un petit peu comme le State of Play où ils vont montrer tous les jeux. Et cet événement aura lieu le 21 avril, donc la semaine prochaine. Donc ça fait quelque chose quand même de voir Oculus qui clique quelque chose sur Resident Evil, donc il va y avoir quelque chose certainement, c'est bizarre, ils retweetent pas les choses comme ça bêtement. Est-ce que ça veut dire que ce soir on va entendre parler d'une version VR de Resident Evil donc ce soir, quand vous regarderez la mission, vous serez déjà ce qui s'est dit non certainement que, parce que là pour Resident Evil 8 par exemple je pense que Sony vont peut-être attendre soit l'E3 numérique soit un peu plus tard d'en savoir plus, parce que c'est un jeu qui pèserait son poids pour lancer le PSVR 2 je pense, Donc peut-être qu'on n'aura rien, on aura peut-être rien ce soir, ou peut-être au contraire qu'ils vont peut-être lâcher, ils vont peut-être ouvrir les vannes et on va en savoir plus. Dans tous les cas, même si ce soir il n'y a rien, donc dans ce showcase de Resident Evil, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura peut-être, il y aura peut-être quelque chose chez Oculus le 21 avril, et ça veut peut-être dire que même s'il n'y a rien le 21 avril, qu'il y aura peut-être quelque chose et qu'Oculus sont en train de se battre pour récupérer quelque chose, ont peut-être déjà signé quelque chose avec Capcom. Donc c'est intéressant. Voilà, c'est quelque chose. C'est pas le petit détail qu'on laisse passer quoi. Ça fait beaucoup de détails en fait. Voilà. Justement, depuis le début qui mis bout à bout, voilà, nous conforte dans l'idée que Resident 8 sera en VR. Maintenant, moi, j'en attends vraiment absolument rien de ce showcase maintenant parce que Capcom, ça fait un moment avec cette franchise, avec toutes les annonces qu'ils font les allumeuses en fait et qui finalement présente rien en VR. Donc maintenant je vais attendre du concret, je vais rien attendre de particulier sur ce Resident et je verrai ce qui est annoncé et puis je serai très très content quand il sera en VR, parce que typiquement comme on disait tout à l'heure, Resident Evil 8 va sortir en plat, je l'achèterai pas, ça c'est clair et net. Pareil comme Martha. S'il n'est pas annoncé en VR, c'est même pas la peine que j'y foute les pieds en plat, hein, parce que le 7, j'ai jamais réussi à y jouer en plat, j'ai tenu 10 minutes. Mais même, c'est tout, quoi. Même avec la dame avec le gros chapeau qui suce le bras. Moi, c'est en VR où j'ai tenu 10 minutes. Ah non, bah tu fous, toi. Non, mais parce que j'ai eu peur. C'est mieux. Et tu disais quoi avec la dame au gros chapeau? La dame au gros chapeau qui suce le bras, peut-être que t'as plus envie de l'acheter, non? Qui suce quoi? Vous avez pas vu sur les réseaux sociaux, tout le monde se fout de la gueule de ça. Le bras, calme-toi. Suce des bras. Oui, celle avec le grand chapeau de Resident Evil 8. Il y a une scène où elle suce un bras. Et on a l'impression qu'elle suce autre chose, en fait. Et elle suce quoi? Je comprends pas, Laurent. Eh bah, ben, qu'elle suce un autre bras. et sur les réseaux, là, ils n'arrêtent pas de récupérer cette image un petit peu à la manière de Craig avec Halo Infinite. Et bah là, la mode, c'est en ce moment, c'est cette nana qui suce le bras qu'on voit de partout. Oh bah, ça fait du buzz, hein. Puis de toute façon, voilà, c'est comme ça que ça marche, hein. Mais non, je ne mange pas de ce pain-là, mon petit Lolo. C'est pas parce qu'il y a des dames grandes avec des grands chapeaux qui sucent des bras que forcément je vais acheter le jeu. Ouais, je suis désolé. Elle fait au moins 3,50 m, la nana. Ouais, c'est ça. Après, ouais, ça a été confirmé, 3 mètres, je crois. Ah. 3 mètres, ouais. Elle est plus grande que. Merde, comme il s'appelle, le premier boss de Resident. Ah, c'est pas le Hunter. Ah, le Nemesis. Non, ça c'était dans le 3. Dans le premier. Je sais plus. Bon, bref. Que le tyran, voilà. C'est encore plus grande que le tyran. Mais l'ambiance a l'air cool en plus, hein, le chara-design, il est. Ouais, mais ça a l'air intéressant, c'est vieillot, c'est poussiéreux, c'est. Moi j'aime bien. Mais en plat, ça va pas être possible. Et apparemment, donc, c'est une trilogie aussi. Ah, bah, qui commence avec le 7, non, c'est ça? Bah, qui va suivre Ethan, le héros du 7. Alors, qui va se finir avec le 9. Détaille ton truc, parce que si c'est une trilogie, comment tu peux dire à un joueur que. Il a commencé en VR sur le 7 et qu'il va se faire niquer sur le 8 en non-VR et le 9... Demande aux joueurs PC. Demande aux joueurs PC ou aux joueurs Xbox, hein, parce qu'ils ont tous commencé en plat, cette trilogie, et puis ils la termineront en plat, hein, certainement. Ah bah non, joueurs PC, ils n'ont pas commencé le 7, j'espère pas. Ah bah si. Ils attendent la version VR. Il est sorti, le 7. Oui, mais pas en VR. Et les gens sont bien dégoûtés. Bah oui, mais justement, je te dis, comment est-ce que les gens ont commencé en VR? Oui, mais ils n'ont pas tous commencé en VR. C'est tous les joueurs PC et Xbox, ils ont commencé en plat. Ah là, oui, d'accord. Oui, il va peut-être arriver le 7 finalement sur PC là. Il va peut-être attendre. Moi, je le sens bien. Dans les jours qui arrivent là. Je le sens bien. Et enfin. Est-ce que ce serait pas. Est-ce qu'il arriverait pas sur Oculus du coup? Est-ce que ce serait pas le 7? Bah c'est possible. C'est possible qu'il arrive sur. Ça me ferait bien chier. Avec un compte Facebook. Oh là là, non, s'il vous plaît. Parce que j'ai vraiment envie de le refaire en plus sur PC, quoi, avec une bonne résolution et sans les comment carences. Ça, critique pas le PSVR, tu t'es trompé d'émission. C'est... Non, j'ai réessayé Resident 7 dernièrement, là, depuis que j'ai ma PS4 Pro de pigeon. Là. J'ai réessayé plein de jeux, notamment celui-là, et c'est vrai que putain, même sur PS4 Pro, il picouille un peu hein, au niveau du flou, hein, de temps en temps. Ouais, mais je sais pas s'il avait été patché celui-là, je crois pas. Hein. Non. Je me souviens plus. Il n'y a aucune option en tout cas qui permet d'avoir un meilleur rendu en VR. Mais c'est là où je suis inquiet quand je vois des jeux photoréalistes. Je me dis, ouais, le PS4, ouais, ça peut piquer. Bah, par je sais pas. Je t'ai déjà parlé, Laurent, de Hitman. Non. Dans le, c'est quoi dans C'est un nouveau jeu Dans le côté voilà, photoréaliste et ultra détaillé et ultra beau. Et, je sais que Majo a dû m'en parler de celui-là. Il en a parlé aussi de temps en temps. On a parlé du Free Pack, ouais. du free pack. Ouais, tu sais, la démo pas finite. Voilà. Bon, j'ai monté l'émission quand même, hein, il y a deux semaines. Hein. J'ai vu que tu parlais dans mon dos et que t'en profitais pour raconter des saloperies sur Hitman alors que je pouvais pas être là pour le défendre. Voilà, j'ai trouvé ça très très... Attends, on a son petit frère qui arrive là. Voilà. Donc voilà, ok, bon bah écoute, on verra en tout cas ce soir ce qui est annoncé pour Resident Evil voilà. Village, pour ce showcase, et puis voilà, on espère en tout cas avoir de bonnes nouvelles à vous raconter demain, donc vendredi, sur le site. Voilà, s'il y a quelque chose, de toute façon, demain il y aura un article. Si vous écoutez cette émission et que vous êtes en train de vous dire « Ah, les autres, ils croyaient vraiment que ça allait arriver, alors qu'on a eu « Ah, les nuls, ils sont... » on parle... L'espoir fait vivre. Voilà. Et puis on garde l'espoir, parce que de toute façon, je suis convaincu que Resident Evil arrivera sur le PSVR 2. Et oui, on garde l'espoir et on croit au pouvoir de l'amitié aussi, bien évidemment. Ouais. Donc voilà. On n'aime pas la guerre et on préfère les petits chatons et la paix. Voilà. À propos de petits chatons et de paix, justement, est-ce qu'on peut passer à Alvo, ce magnifique jeu de guerre? Alors avant tout ça... Disons. Ah, tu veux vraiment pas en parler, hein? Ah, c'est dur. On dirait un striptease On n'a pas parlé des promos sur le PSVR. Ah oui. En même temps, tu m'as pas dit que tu voulais en parler, donc si tu veux, en fait, quand on prépare une émission, tu peux peut-être me prévenir un petit peu à l'avance, quoi. Si, je te l'ai dit. Histoire de pas me niquer mes enchaînements, tu vois, histoire de, voilà, fais pas. Alors oui, on va parler d'Alvo, bien sûr. Attends, ok, très bien, 1, 2, 3. Ouais, on va parler d'Alvo. Ah, puis le aller très bien, tu te fous de ma gueule avec ce truc-là, cette expression que j'ai. Oui. Tu l'as fait il y a deux semaines, sauf que tu l'as fait. Ok. Alors, bon. Oui, parce que en fait, il n'y a pas eu de problème. Ah, bah si, c'est parce qu'il y avait eu un problème avec Elroco, là. Il y avait un petit souci de micro. Genre. Du coup, ça s'est bien passé, t'as vu? Genre. C'est tout seul. Ah, bah oui, bah j'ai monté. Mais genre, il se fout de ma gueule pour mes expressions, et puis après, il reprend exactement là, mais en mode, j'assume pas. Mais écoute, okay. J'ai un mentor, je m'inspire des plus grands, comme tu l'as dit tout à l'heure. Très bien. Allez, vas-y, parle-nous de tes promos, elle va nous faire dépenser des sous encore. Non, bah juste, on va le faire très rapidement parce que... Tu vas pas nous les énumérer? Non, voilà, c'est pour ça, on va le faire très rapidement parce qu'il y en a un paquet. Alors, petit 1. Je les ai comptés, il y en a 53. Parfait, voilà, allez, on y va. Vas-y, annonce. Il y a 53 jeux qui sont en promo jusqu'à la fin du mois d'avril. Tu sais que dans 1h10, il y a le showcase de Resident Evil quand même. Mais c'est bon, on sera pile poil. Je sais pas si on aura le temps de faire Alvo du coup. Ouais. C'est temps de bien foirer le truc jusqu'à la fin, quoi. Exact. Il y a 53 promos dispo sur le store là jusqu'au 29 avril, donc il y a de tout, il y a des jeux bien et des jeux moins bien, donc en intéressant, il y a quand même Hitman à 52€, Hitman 3, pardon. Oh, bah ça va 52€, ça reste trop cher. Ça fait une belle économie puisqu'il est à 70. Il y a le 1 et le 2 avec Uniquement sur le store, non, il n'y a que le 1. Ah, le 1 et le 2 sont en promo aussi, hein, tu m'as dit. Alors par contre, voilà, très grosse promotion sur le Hitman 2 Gold Edition qui est à 20€ au lieu de 100€. Hein, voilà. Ah. Ça fait quand même 80% d'économie. C'est donné à ce prix-là. Bah oui. Non, pour ceux qui ne les ont jamais fait, je pense à Ace Combat 7 qui est à 15€, ouais. Avec son expérience d'une heure et demie qui peut être sympa. Resident Evil 7 dont on parlait qui est à 10€ pour ceux qui l'ont pas chopé quand il était gratuit, ça serait dommage. Faut y aller à fond, faut foncer. Pardon, il est gratuit que sur les possesseurs de PS5, je dis n'importe quoi. Dreams qui est à 20€, celui-là c'est pareil, on le vend. Il faut l'avoir. Allez-y. Voilà, allez-y. C'est un petit casse-dalle qu'il faut mettre de temps en temps et il y a moyen de toujours se faire plaisir. Il y a toujours des nouveautés. Des trucs formidables. Juste Dreams, t'as quand même des jeux, des expériences sur Dreams en VR qui mettent la nique à quand même pas mal de jeux et de dopes qui sont sortis sur PSVR. Hein. C'est ça. Ah mais complètement, hein, complètement. Vraiment. Donc à 20 balles, faut y aller quoi. Ah mais ça, c'est indispensable. En fait, c'est je me répète, j'allais dire c'est infini, mais tu découvres toujours des trucs parce qu'il y en a plein en fait. Et surtout la facilité avec laquelle le jeu est développable en VR. Enfin bon, bref, on se répète à chaque fois, mais bon, 20€. Dreams, faites-vous plaisir, quoi. Voilà, c'est pas cher. Carrément. Moi, je l'ai eu à 15€ d'occasion, donc en boîte. Donc réellement, c'est quasiment le même prix si vous voulez pas vous déplacer. Il y a confinement et tout ça. qu'est-ce qu'on a d'autre? Batman Arkham, une des premières expériences PSVR à 9€. Voilà, Dirt Rally à 7,50€. Enfin bref, il y en a une cinquantaine. Dirt Rally à 7,50€. Ouais, avec le bundle, la version plate et la version VR. Ouais. Oh, foncez, meilleur jeu de bagnole sur PSVR. Ouais, franchement, il est top. Voilà, donc il y en a plein. Skyrim à 20€ aussi, si vous l'avez jamais fait. Gros contenu, enfin bref. Il y en a un paquet, on va vous les lister bien propre. Ça sera sur le site incessamment sous peu. Si c'est pas de vendredi, ce sera peut-être samedi. Je vais tout faire pour. Je vais déjà déblayer le showcase et puis on verra après. Mais ça va arriver pour ce week-end, je pense. Voilà, donc il y a de quoi faire et c'est jusqu'à la fin du mois. Voilà. Et ça, c'est bien. Donc maintenant, on peut parler de Alvo. Si non, j'ai plus envie. Non, j'ai plus envie. Je suis désolé. non, ça m'intéresse plus. Voilà, plus envie de parler à Alvo. Je suis voilà. J'ai boudé. Bon, eh ben c'est très bien. Sur ce, merci d'avoir écouté ce podcast. Ok, très bien. Allez, Alvo. Alors, qu'est-ce que c'est Alvo ? Qu'est-ce que ça veut dire Alvo ? Bon. Bah, en alors, fait, moi, on discutait tout à l'heure. Je pense que c'est un anagramme de Pavlov. De Pavlov, ouais. Mais pas assumé, toi. Mais en plus court. Bah, il y a les mêmes lettres, comme presque. Hein. Ouais, c'est ça. Si t'enlèves le P. J'ai envie de te dire que ça ressemble beaucoup. C'est ça. Donc, Béalvo, c'est quoi ? C'est Counter-Strike en VR. Mais Counter-Strike 1.6, hein, pas... J'aurais dit 1.4, hein, tu vois. Ou 1.4. Ouais. C'est même 1.3, parce que c'est celle où tu peux encore sauter à l'infini sans avoir de problème à la retombée. Enfin, bref. Ouais. Donc, Alvo, c'est un FPS, multi, exclusivement, donc qui est sorti le 13 avril 2021. Alors, premier fait intéressant, c'est le prix. Donc le prix, il est de 34,99€. Mais si vous êtes membre PS Plus, vous pouvez l'avoir pour 26,29€, je crois. Ouais, c'est ça. Sauf que, si t'as pas le PS Plus, tu peux pas jouer au jeu puisqu'il est multi. C'est un jeu. Donc, premier problème, c'est que je me pose la question de ce prix à 35€. Voilà. Donc ça c'est la première chose. C'est hallucinant ça par contre. Parce que franchement un jeu multi c'est-à-dire que si tu l'achètes mais tu peux pas y jouer. Exactement. Et puis quand il joue tu dis ah mais mince, faut que je sois abonné PS Plus. Et si j'avais été abonné PS Plus, je l'aurais payé 10€ moins cher. Oh là, voilà. T'imagines. Parce que c'est sûr qu'il y en a qui vont être dans cette situation là, mais j'imagine même pas ce qui va se passer dans leur tête hein, à ce moment là. Bon, déjà, pour moi ça c'est un premier problème. Donc ensuite, bon, alors forcément la comparaison avec Firewall doit être faite et sera faite. Est-ce que le jeu est meilleur que Firewall ? Oui et non. Oui, d'accord. Pourquoi ? Tout simplement parce que y a trois modes de jeu différents, là où Firewall n'en a qu'un seul. Firewall, c'est de la recherche et destruction pure et dure, et accès simulation. Alvo, tu as un mode free for all, donc combat libre, où c'est chacun pour soi. Tu as un mode match à mort par équipe, et tu as un mode recherche et destruction. Donc, trois modes différents qui se jouent de manière différente. Le recherche et destruction va être plus axé stratégie. Et le team deathmatch et le free for all va être plus axé sur la vitesse d'exécution, la rapidité, l'enchaînement. Il faut toujours tracer, jamais s'arrêter. Brunage. Voilà, exactement. Et ça, c'est la deuxième différence avec Firewall, c'est que c'est vachement plus rapide. Tout est fait, en fait, pour que ça soit fluide, avec une vitesse incroyable dans les déplacements. Enfin, franchement, pour un FPS, c'est assez rare de voir ça. Et même la technique de slide, en fait, parce que quand tu sprintes et que tu appuies sur la touche pour t'accroupir, en fait, tu vas faire une espèce de slide allongé sur le sol, en fait, pour pouvoir aller te cacher derrière un... comment dire, une caisse, un mur, ou rentrer dans une pièce, ou un truc du genre. Comme Battlefield. Même ça, c'est... ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, en VR, ça fonctionne bien, parce que il n'y a pas de motion sickness ou quoi, c'est... Vraiment, c'est... Là-dessus, il n'y a pas de souci particulier. C'est très agréable à jouer, avec cette vitesse et tout. Mais par contre... le jeu il est pas beau quoi. Il est horrible. Ouais. Enfin, c'est comme on dit, c'est Counter-Strike version 1.0, 1.4, 1.2, ce que tu veux. Mais là-dessus il y a un gros problème. Alors, tout va plus vite, encore une fois, que Firewall. Même les temps de chargement, même les comment dire, le passage d'une partie à l'autre. Quand une partie se termine, tu ne repasses pas par le lobby. Et en attendant que le serveur se relance, etc., comme ça pouvait être dans Firewall, là tu peux choisir directement tes équipements par le biais du menu options. Tu peux enchaîner donc la partie directement suivante. Enfin, ça se relance tout seul. Donc de ce côté-là, pareil, c'est vraiment une très très bonne chose. Il n'y a pas de problème au niveau des serveurs non plus. C'est assez stable. On se rappelle tous de la catastrophe que ça avait été Firewall au départ. où c'était quasiment impossible de jouer. Enfin, on avait fait des soirées entières, on avait fait deux matchs en étant resté une heure et demie à attendre dans le lobby. Enfin, c'était assez compliqué. Donc là-dessus, c'est pareil, il n'y a aucun souci. Ça s'enchaîne très rapidement. Par contre, il y a d'autres problèmes. Le matchmaking, il est un peu particulier. C'est-à-dire que tu vas avoir parfois une partie qui se termine. Donc, alors, c'est deux équipes de 5 personnes quand tu joues par équipe, ou sinon c'est 10 personnes en chacun pour soi. Et quand tu vas finir une partie, bah, des fois, le matchmaking, tu sais pas ce qui va se passer. Tu vas te faire, je pense, kicker du serveur et tu vas te retrouver tout seul sur une autre map, en fait, et contre uniquement des bots. Et en fait, ces bots vont être remplacés au fur et à mesure par des joueurs, mais pendant la partie. C'est-à-dire que la partie va commencer, tu vas te retrouver contre des bots. Ah, c'est-à-dire que tu peux te faire virer en fait du serveur et pas pouvoir retrouver facilement, en tout cas, les 9 personnes avec qui tu jouais avant et tu exactement. Vas te remplacer. Et pourquoi j'en sais rien, parce que j'ai pas vu de possibilité de kicker un joueur comme ça pouvait exister, enfin de pouvoir sortir un joueur. Il y a pas de système de vote ? Non. D'accord. Donc là-dessus, j'avoue que j'ai pas trop compris. Alors ça m'est arrivé plusieurs fois. Et t'as un deuxième problème, c'est l'équilibrage des matchmaking. Et c'est très souvent que tu vas te retrouver avec des équipes de 5 où toi tu vas être 2, 3. Moi j'ai fait une partie entière, j'étais tout seul contre 5 mecs. Je me suis fait désosser forcément. Et en fait, t'as personne qui arrive et à aucun moment le jeu ne te propose de rééquilibrer, si tu veux, de dire bon ben voilà, il y en a deux qui vont passer dans l'équipe adverse pour faire ben, un 3 contre 2 ou un 3 contre 3, enfin bref. Et ça, pour moi, c'est aussi un gros problème. Parce que bah, du coup, ça vient pervertir un peu les parties. Quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a énormément de bugs. Pas mal de bugs d'affichage. Des textures qui pop, etc. Mais bon, ça va avec le... Ou pas de texture du tout, d'ailleurs. Ça va avec, je dirais, avec la qualité globale graphique du jeu. Des bugs de collision. Je suis carrément passé à travers le sol. Ça m'est arrivé aussi. Et puis, je suis mort, au passage. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? J'ai réussi à tuer quelqu'un à travers le mur. Bon. Du classique à ce niveau-là. L'inspecteur Harry, il y arrive. Ouais. Inspecteur Majou, on sait pas. Tu sais, moi déjà, je suis vieux et je connais pas trop la ref du l'inspecteur Harry. Oh, sérieux ? Je connais deux noms, mais je vois pas Clint. Qui c'est. Clint, merde. Iron Man, il arrive à tuer à travers un mur. Voilà. ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, voilà, après, techniquement ça tourne, il n'y a pas de crash. Enfin, j'ai eu un crash pour ma première partie quand j'étais dans le menu. Bon. Ah, mais t'es sur PS5 ? Ouais. Voilà. Je vais pas lui en tenir rigueur. C'est le jeu hein, qui a crashé, pas la console. Je vais pas lui en tenir rigueur de trop. Ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé qu'une seule fois. Après, on va parler un peu du contenu. Et là, c'est pareil. Je reste un peu sur ma faim, quoi. Alors, côté perso, il y en a 13, sauf que, à part être habillé différemment, ils servent à rien. Là où dans Firewall, tu avais des petites aptitudes sur chacun, qui étaient différentes et qui te permettaient de courir plus vite, d'être plus résistant aux balles, aux bombes, etc. Là, c'est uniquement du skin, c'est juste pour faire joli. Par contre, on va dire, pour contrer ça, tu as ce qui s'appelle des killstreaks. Les killstreaks, c'est des bonus quand tu fais des enchaînements de frags, donc d'élimination. Donc ça va de c'est 3, 5 et 7. Et en fait, ça te donne des bonus, un peu comme dans Call of. Complètement si comme rappelez. Call of. C'est complètement voilà. Comme Call of, ouais. Et donc du coup, pour 3 frags d'affilée, tu vas avoir la possibilité soit de te soigner, soit d'avoir un radar. 5 frags, tu as un drone et je ne me rappelle plus quoi. Et 7 frags, tu as un assaut de chien. Donc ça se déclenche en appuyant sur le bouton croix de l'IM. Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, ça se joue à l'IM, à la manette ou au PS Move. Donc moi je l'ai joué à l'IM. Ce que je vous conseille vivement d'ailleurs, parce que j'ai eu des mecs qui jouaient au PS Move aussi, mais bon, c'était pas le top. Donc voilà, tu as ces killstreaks qui sont là un peu, je dirais, pour pallier aux compétences des personnages. Mais bon, il y en a pas des masses, quoi. Voilà, il y en a 2, 4, 5 au final. Donc c'est un peu léger. C'est pas mal, mais ça reste quand même un peu léger. Qu'est-ce que tu as d'autre ? Tu as 7 armes lourdes. Et 2 armes de poing pour l'instant de disponibles. Donc visiblement, j'ai vu qu'il allait encore y avoir du contenu qui allait arriver pour ça. Mais aujourd'hui, voilà, à l'instant T, il y a 7 armes et 2 armes de poing. Chaque arme est customisable, tu as des skins différentes. Donc il y en a, pour celles que j'ai, il y en a 5. Ouais. Donc c'est pas non plus transcendant. Ouais. Et des systèmes de visée, donc des red dots différents, des lunettes grossissantes ou des points rouges holographiques, etc. Mm. Voilà. Pour ça, je trouve encore une fois que le contenu il est assez léger. Et t'as un autre truc, c'est que donc tu as 3 modes de jeu officiellement aujourd'hui de déployer dans Alvo, mais il y en a 3 autres qui vont arriver. Donc c'est le mode zombie, le mode match privé et le mode domination. Et donc c'est là où je place ma fameuse phrase et que je fais le parallèle avec Hitman 3. Bon, pour le coup Hitman 3 il est quand même un cran au-dessus, mais le jeu il est pas fini. Un cran au-dessus, ah, bordel. D'après ce que tu me dis, bon, un cran au-dessus. Trois crans au-dessus. Non, mais tu m'as compris. Ouais. Mais après, c'est encore pas le même prix parce que Hitman 3, c'est quand même 80 balles. Mais c'est pas la même chose. On va pas parler d'Hitman. Mais par contre, je trouve encore une fois, je suis désolé. Alors, il y a cette histoire de prix à 35 balles si t'es pas membre PS Plus, qui n'a aucun intérêt puisque t'es obligé d'être membre PS Plus pour y jouer. Et ensuite, pourquoi ne pas sortir tous ces modes de jeu? Enfin, pourquoi ne pas sortir le jeu, pardon, une fois que tout est inclus dedans? C'est un early access, hein, clairement. Mais ouais, mais c'est pas vendu comme ça. Ouais. C'est pas marqué que c'est une bêta ou que c'est un early access ou ce que tu veux. C'est marqué que c'est un jeu. Et moi, ça m'agace. Ce genre de pratique me déprime. Alors, le jeu, franchement, il est fun. Il est cool. J'ai pris plaisir à y jouer. J'ai ragé comme un salaud quand je me fais enchaîner. Normal, c'est le but du jeu. Ouais. Voilà, exactement. Mais t'as 5 maps, dont une qui est en jour-nuit. Donc il compte pour deux. Et t'as 7 armes, et puis c'est tout, et 3 modes de jeu. Et ils te disent qu'il va y en avoir plus, mais attendez qu'il y en ait plus. Et sortez-le une fois qu'il est terminé. Là je pense qu'ils ont tellement la pression, ils se sont mis la pression tout seul très certainement avec Pavlov et compagnie, que le truc, et même les joueurs, parce qu'il y en a qui te disent la bêta ça fait 200 ans qu'elle est sortie, etc. Enfin, allez-y, sortez le jeu, machin. Mm. Ils te parlent d'un patch PS5, ils te parlent de PSVR 2, etc. Mais les gars, finissez déjà le jeu PlayStation VR PS4, et ensuite on parlera du reste, quoi. Parce que c'est pareil, j'ai pas l'impression qu'il y ait de patch PS4 Pro. Moi j'ai une version PS5 qui est absolument dégueulasse, enfin, elle est floue, ça alias à mort. Les textures. J'ai entendu certains influenceurs dire que le jeu il était propre et joli. À quel niveau? Bah oui. Ouh. parce que tu regardes, enfin, même au niveau des modèles, des décors, en fait, c'est ultra carré, en fait. C'est pour ça qu'on dit que ça ressemble vraiment au vieux Counter-Strike post-Motor Source. C'est parce que vraiment, les caisses, c'est des cubes. C'est des mais cubes juste avec une texture. Les Attends, décors, les tuyaux, en caisses, fait. Il n'y a rien qui. Tu parles des caisses, mais. Y a rien qui les haies, mais les haies en arbuste, c'est des cubes. C'est Tomb Raider, quoi. Voilà, c'est Tomb Raider. Minecraft. Ouais, bah, un petit peu au-dessus. Ouais, ou Minecraft. Ouais, c'est quand même un petit peu au-dessus parce qu'il y a quand même quelques angles ronds. Mais. Clairement, quand Pavlov il va sortir, il va défoncer graphiquement, en tout cas, cet Alvo. Et même Firewall le défonce aussi. C'est pour ça, à mon avis, qu'ils se mettent la pression, les développeurs. C'est que Firewall, ils le défoncent d'un point de vue graphisme et contenu. Et contenu, mais c'est pareil, Firewall, quand il est sorti au départ, il n'avait pas le contenu qu'il a aujourd'hui. Il profite quand même de quelques années. De toutes les années d'expérience qu'il a et du temps que les devs lui ont accordé pour le sortir. Parce que si tu prends le deuxième jeu qu'ils ont sorti, j'ai oublié le nom. Qui va sortir au mois de juin, alors on en a parlé il y a 15 jours, j'ai déjà oublié son nom. À nos âges, on ne se souvient plus de ce qu'on dit. Hein, donc, ça Solaris. Oui, voilà, Solaris. Voilà, c'est le même problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul mode de jeu, très peu de maps, on est sur à peu près la même configuration. Donc en fait, moi ça m'agace que les devs fassent ça, alors peut-être ils ont besoin d'argent, peut-être il faut que le jeu sorte, etc. Très certainement, mais bon, il y a peut-être des gens qui sont payés pour étudier ce genre de choses. Mais en fait, ce qui m'agace, c'est que quand tu sors un jeu qui va venir concurrencer un autre jeu qui a déjà une grosse expérience et une grosse communauté, il faut que tu fasses mieux ou au moins équivalent dès le départ. peux pas partir avec 3 ans de retard par rapport à ton concurrent, sinon ça sert à rien de sortir. Je sais pas ce qui se passe dans la tête des développeurs ou de ceux qui distribuent ce type de jeu là. Je pense que en ce moment, enfin surtout en ce moment, il y a un gros effet de panique. Comme tu disais, moi j'ai un peu peur que le fait qu'ils sortent le jeu comme ça, donc déjà avec des prix qui sont complètement incohérents et voilà, qui le jeu est, ouais, c'est un early access. J'ai l'impression qu'ils y croient pas en fait eux-mêmes à leur jeu. C'est-à-dire qu'ils disent, ils se disent, ah, vas-y, on sort, on sait que de toute façon qu'on va se faire défoncer dès qu'il y a la concurrence qui va arriver. On le sort, voilà, coûte que coûte, puis on en vendra le prix qu'on en vendra. Avec un petit peu de chance, on arrivera à en vendre à des cons qui sont pas sur PS Plus et qui pourront pas l'utiliser. Mais voilà, ils avaient qu'à lire les clufs. Et voilà. Et j'ai un petit peu peur. Que ce soit ça. Pour moi, c'est un jeu qui, s'il sort dans cet état-là, c'est que même les développeurs n'y croient pas, quoi. Alors, j'ai un peu peur de ça. Il a déjà été patché, il est sorti le 13, donc c'était il y a deux jours, il a déjà été patché deux fois. Donc ça veut dire que quand même, ils suivent. Ils annoncent du contenu qui va arriver incessamment sous peu. Même dans le jeu, c'est marqué, nous sommes très pressés et enthousiastes à l'idée de partager avec vous le reste du contenu, enfin, des choses incroyables arrivent, etc. etc. Mais merde, c'est pas là, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas là. Alors, j'ai vu des tests qui lui mettent 8, 9 sur 10. Non. Enfin, aujourd'hui, avec ce qui se fait à côté, tu peux pas mettre 8 sur 10 à ce jeu. C'est pas possible. C'est juste pas possible. En tout cas, à la sortie, on va dire. Parce que est-ce que c'est des notes qui sont données en anticipant le contenu qui va arriver ? Dans l'état qu'il est là. Tu peux pas lui mettre 8 sur 10, c'est pas possible. Ah bah si, il y en a qui le font. Ah oui, il y en a. Bah, enfin, oui, alors il y en a qui le font, effectivement. Alors tu peux lui mettre 8 sur 10, mais c'est pas justifié. Pour moi, c'est la moitié d'un jeu. C'est la moitié d'un jeu en contenu, du coup, puisque on t'annonce ouvertement que le jeu, il lui manque des trucs. Et puis graphiquement, je suis désolé, mais on est en dessous de ce qui peut être proposé sur un jeu PSVR. Sur PS4, ouais. PS4, oui, pardon. Et alors moi j'ai joué sur PS5 bien entendu, donc bon, c'est encore autre chose, mais... Oh l'autre comme il se la ramène. Non, mais bon, il le dit souvent, je trouve, Laurent. Je passe le fait qu'il soit pas patché PS5, etc. Oui, enfin, bon, c'est bon, j'ai fait mon deuil là-dessus. Non, mais il le dit très souvent, tu sais, sur PS5. Ouais, je me contente sur PS5. Ouais, et encore, tu vois pas, j'ai le petit doigt en l'air. Ouais, oui. J'imagine. Je te dis, j'ai fait mon deuil là-dessus, je me contente de du Game Boost et puis ça va très bien. Ouais, de la plaie. Mais encore une fois, ça me saoule, quoi. Franchement, ce genre de démarche me saoule. Bah, c'est un petit peu une mauvaise habitude qui a été prise sur PC où t'as des jeux qui sont vendus en early access pendant 2-3 ans et que finalement après les développeurs disent ouais, bah en fait mais tu sais à quoi c'est dû ça pour moi ? Non, je sais pas. J'y pensais l'autre jour. C'est le démat. C'est que les mecs, ça leur coûte rien de sortir des jeux pas finites. Et de sortir des patchs. Exactement. Que si tu fais imprimer un jeu sur une galette et que tu le mets dans une boîte, bah t'as le packaging, ça coûte de l'argent. Oh, mais ça, c'est le cas depuis la PS3. Enfin, l'époque PS3, Xbox 360. Hein, c'est elles qui ont justement permis de patcher les jeux. Hein. Qui peuvent plus être patchés, c'est sur énorme, PS2. Je trouve ça. Mais moi, ça me fait chier, ça. C'est ça. Mais moi aussi, clairement. C'est pour ça que je râle contre Hitman. Bon, j'en rajoute un peu parce que le jeu, il a quand même de grosses qualités. On peut pas lui enlever. Moi, ce qui m'embête, c'est le prix et toute la campagne qui est faite sur vas-y, achète encore plus parce que 90 balles, c'est pas assez cher pour le jeu. T'as encore du contenu, tu peux raquer, tu vois. Et tu sais, qu'il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour ça. C'est que IO Interactive, maintenant, ils sont indépendants. C'est-à-dire qu'ils ne passent plus par Square Enix pour distribuer le jeu. Ils étaient passés donc par Square Enix pour Hitman 1. Ils sont passés à nouveau sous Square Enix pour Hitman 2, mais avec un budget bien moindre. Et ça se ressent notamment dans les cinématiques qui sont beaucoup moins travaillées que celles de Hitman 1. Et après le four qu'a fait Hitman 2, parce qu'il était lui aussi vendu en épisodique, Square Enix a dit « Ok, les loulous, vous reprenez vos clics et vos putains de claques, et puis vous allez vendre votre Hitman ailleurs. » Et c'est pour ça justement qu'ils ont récupéré leur licence, IO Interactive, ils le distribuent eux-mêmes, maintenant en indépendant, sans Square Enix, Et c'est pour ça qu'ils mettent beaucoup plus encore en avant. Et c'est pour ça que déjà, c'est la première fois que dans cette trilogie-là, le jeu n'est pas vendu de façon épisodique. Et c'est pour ça qu'ils mettent vachement en avant aussi le contenu supplémentaire, les microtransactions à la con et les trucs qui servent à rien, en tout cas. Ouais, mais le problème, c'est que la microtransaction, à la base, c'est fait pour des free-to-play. C'est pas fait pour des jeux payants. Oui, mais c'est fait, ça a commencé à se faire avec Elder Scrolls 4, Oblivion, avec une armure pour un cheval qui était vendue beaucoup trop cher pour ce que c'était. C'est comme ça, et ça vient justement de la génération PS3 360. C'est pas du contenu pour du jeu. De toute façon, c'est pas du mode de jeu, c'est pas des missions spéciales, ça reste du skin. Si c'est une armure pour un cheval, bon. Mais rien n'oblige après à l'acheter. Hein, je vais te dire, enfin, acheter justement ce genre de microtransactions. Non, mais après, je suis d'accord, mais avec ce raisonnement, le problème c'est qu'on va avoir, parce que là on parle d'Alvo au final, c'est qu'avec ce genre de raisonnement à dire rien n'empêche personne d'acheter. Non. Ouais, effectivement, d'acheter. Je voulais juste mettre les points sur l'i concernant Hitman 3 et le fait que voilà, il y a des choses qui peuvent agacer sur Hitman 3 que je peux tout à fait comprendre, mais qui s'explique aussi si tu connais un petit peu l'histoire du développement du jeu. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Et puis voilà, j'arrête. Enfin bref, moi comme je t'ai dit, Hitman 3, c'est juste le on s'en fout. C'est la méthode qui m'agace. Ça va pas. Enfin, je veux dire, il faut arrêter avec ça. Ce jeu, pour moi, il mérite 5 ou 6 sur 10 au maximum. Il est cool. Franchement, il est fun. Mais aujourd'hui, avec le contenu qu'il a, tu fais 15 jours, 3 semaines dessus et c'est fini, quoi. Et même au niveau du test, c'est super chiant ce genre de situation-là parce que tu fais ton test là, tu le sors sur VR4Player, tu lui mets un 5 ou un 6, 3 semaines ou un mois après, il y a du contenu supplémentaire donc du coup que tu avais mentionné mais que tu as donné ta note avec le contenu à la sortie, à l'instant T. Tu fais comment? Tu es obligé de remettre à jour ton test? Tu vas pas revenir sur tous les jeux et renoter tous les jeux en fonction des mises à jour, c'est pas possible. C'est ça. Mais oui, mais encore une fois, moi, le jeu, il a la note qu'il mérite, il est vendu plein pot. Il est vendu à son tarif affiché officiel, donc. Ouais. Il a la note qu'il mérite par rapport au contenu qu'il a le jour de la sortie. Et le jour du test, il a pas la note de ce qu'il va devenir dans 6 mois. C'est pas possible, ça. C'est pas comme ça que ça marche. Imagine, dans 6 mois, il se passe rien. C'est ça. Imagine, dans un an, il ne se passe rien. C'est arrivé, regarde Minecraft. Je crois que je lui ai mis 7 ou 8 sur 10. Parce que c'est vrai, c'était bien Minecraft en VR, c'est vachement bien. Sauf que 3 semaines après, ils ont fait une mise à jour, ils ont flingué le jeu et plus personne ne pouvait jouer en VR. Est-ce qu'il fallait lui remettre un 3 sur 10 derrière? Après, ils allaient refaire une mise à jour, tu allais remettre le 8 sur 10. Enfin, tu sais, il faut arrêter les conneries, quoi. Surtout qu'on n'est pas sur PC, on est sur console. Alors déjà, je trouve ça inadmissible sur PC. Cette grosse tendance de toujours sortir du early access à tout va, même maintenant, on en est presque au alpha plutôt qu'au bêta. Tu te dis, putain, mais ton jeu, tu le construis, mais les mecs, ils démarrent avec une bêta qui est complètement niquée, et puis c'est peut-être une habitude maintenant, enfin, je sais pas, moi, ça me choque, mais peut-être que... Ah, c'est une habitude, bah, c'est carrément une habitude, t'as qu'à voir Cyberpunk, même pour les jeux grand public, on va dire, triple A, même quadruple A, qui sortent carrément en early access, sauf qu'en plus, ils ont pas l'honnêteté de le dire, c'est-à-dire que le jeu sort, il est injouable. Les Assassin's Creed, ça, c'est depuis des années que c'est comme ça, et encore, c'est un petit peu moins maintenant. Mais le dernier, Assassin's Creed Valhalla, même encore celui-là, quand il est sorti sur PC, au départ, Bethesda, il était dégueulasse. Bethesda, ils peuvent dire merci à la communauté des modeurs aussi. Hein, Bethesda aussi. Maintenant, c'est tellement ancré justement dans les habitudes de consommation et de développement que malheureusement, c'est... Et puis je veux dire, avec le Game Pass et les trucs comme ça, ça va pas aller pour s'arranger. Ça va pas aller en s'arrangeant, ouais. Parce que tout sera en ligne et alors là, les mises à jour, ça va pas arrêter. Alors, on peut paraître un petit peu en mode vieux con, là, mais bon, ça nous fait un petit peu peur à tout ça, quoi. Oh, Alvo, non, attends, tu peux pas dire ça, quoi. Enfin, on n'est pas des vieux cons que de demander un produit fini. Non, enfin, quand t'achètes une voiture, il te manque pas les roues. Je dis pas ça, justement, pour dire que... Ce que je veux dire, enfin... Qu'on raconte des conneries de râleur, mais ce que je veux dire, c'est que, je disais tout à l'heure, les derniers jeux qui n'ont plus été patchés, c'était des jeux PS2, quoi. Toi, c'est des trucs qui ont 20 ans, quoi. Oui, bien sûr, bah, c'est depuis qu'il y a une connexion Internet. Exactement. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, le fait de sortir le jeu comme ça n'engendre aucun frais marketing. Alors que si tu dois faire graver ton jeu, imprimer tes boîtes, imprimer la jaquette de ton jeu, etc., ça coûte de l'argent. Donc en fait, tu y réfléchis à deux fois avant de sortir un truc que tu vas devoir rééditer ou réimprimer de manière différente pour plus tard, si tu veux, parce que tu sais que ça va te coûter du pognon. T'as raison, mais là, après... ça leur coûte rien du tout. t'as raison, mais en fait, maintenant, les frais marketing, ça va où ? Ça va aux influenceurs. Tu vois, bien ça, sûr. C'est juste que oui, les habitudes ont changé. Et c'est pour ça que ça se tape après du 9 ou de 8 sur 10, alors que c'est de la merde, quoi. Enfin, c'est pas de la merde, mais tu vois, c'est complètement surévalué parce que maintenant. Voilà, c'est pas. Enfin, encore une fois, c'est pas de la merde. On sait comment ça se passe. Le jeu, il est cool. Mmh. Le jeu, il est dynamique, ça va vite, faut être précis. C'est nerveux et puis t'es dedans quoi. Une fois que t'es dedans, bon après tu rages, il y a des problèmes de collision, même les grenades elles ont un rayon d'action mon gars qui est énorme. Mais je suis désolé, enfin voilà, dans une semaine j'en aurai marre, c'est sûr. Enfin j'en ai déjà un peu marre d'ailleurs parce que j'y ai pas rejoué, mais non, bah, je suis désolé, c'est trop léger pour ce que c'est, ça mérite certainement pas, pas plus de 5 ou 6 sur 10. Et ça aussi, c'est pas bon pour le développeur et pour le jeu, parce que si toi, qui pourtant essaye quand même de trouver des points positifs à ce jeu-là et qui a plutôt bien aimé quand même dans sa globalité, t'es déjà saoulé maintenant. J'aime le gameplay. T'es déjà saoulé maintenant. Le gameplay. Quand y aura le gameplay est bien parce que c'est ce qui manque à Firewall, c'est la nervosité, de la rapidité dans certains de ces modes de jeu. Ouais. Et si t'es saoulé, en fait, bah, quand il y aura du contenu supplémentaire, bah, c'est pas pour ça que tu vas y retourner, forcément. Parce que du coup, t'auras pensé en tout cas avoir fait le tour et que est-ce que ça vaut vraiment le coup de réessayer pour des nouvelles maps ou des trucs comme ça. Donc, ouais, c'est pas bon non plus pour le joueur quoi, et pour le développeur. Et dernière chose que j'ai pas précisé, le son, ouais. C'est pas le top non plus. Ah. Voilà. Le bruit des armes, ça fait un peu carabine, pas carabine à plomb, mais si, peut-être un peu carabine à plomb. Les explosions, ça va. La spatialisation est pas trop mal, on arrive quand même à savoir plus ou moins d'où viennent les impacts ou les morts alliés ou ennemis, etc. Très important pour ce type de jeu, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Mais c'est surtout le son des armes qui est vraiment pas top, quoi. Voilà. Et il n'y a pas de musique aussi, très peu de musique dans le jeu. Bon, après, bon. Est-ce que c'est vraiment utile Je pense pas non plus, mais il y a très peu de musique aussi dans le jeu. Bah, au moins, tu te feras pas striker ta vidéo quand tu la posteras, c'est déjà ça. Ah, bah, j'ai fait un petit montage. j'ai pris le seul bout de musique que j'ai réussi à caler. J'aime bien utiliser les musiques du jeu pour faire mes vidéos. Donc, je vais voir ce que ça va donner. C'est parfait, comme ça on aura la certitude de ne pas pouvoir gagner de pognon sur une vidéo. C'est parfait. Bon. vu la musique, ce ne sera pas une musique à droit d'auteur, je pense pas. D'accord. Ok, ça marche. Bon, autre chose à ajouter sur Alvo, du coup ? Bah écoute, j'ai presque fini la vidéo test, là ça devrait sortir incessamment sous peu. Ouais, okay. Il me manque pas grand chose et puis je ferai le test pour mettre tout ça au propre sur le site bientôt aussi. Voilà. Yes, aïe. Ok, super. Eh ben, c'est très bien. Ok, très bien. Grosse déception quand même. Ouais. Grosse déception. Eh ben, je pense que nous sommes arrivés. Et là, c'est maintenant que vous me dites, j'ai un autre truc à rajouter. Jouer à No Man's Sky. Ouais, ou jouer à Hitman 3, c'est mieux, un vrai jeu. Vous avez remarqué que je dis plus rien depuis un moment. C'est ça. Parce que tu cherches. Ah, mais t'étais là. Dans 7 minutes, il y a le showcase Resident Evil. Ok, allez, bah, à dans 2 semaines. Et puis, merci de nous avoir suivis. Non, c'est bon, il n'y a rien d'autre à rajouter du coup. Non, c'est bon. Non, bah, là, on a fait le tour hein, de toutes les news. Allez, et bah, très bien. Vous pouvez nous retrouver du coup sur, bien entendu, VR4Player. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube VR4Player pour avoir plein de dossiers, plein de vidéos super, super bien foutues et très instructives. Et mettre des pouces en l'air et vous abonner et nous envoyer de l'amour comme ça par pack de 12. Vous pouvez aussi le faire sur la chaîne secondaire VRAC, où c'est un peu plus à la cool, c'est plus du gameplay, c'est plus des jeux qu'on a envie de présenter. Mais aussi, c'est une chaîne aussi qui a besoin de beaucoup d'amour, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'abonnés, donc n'hésitez pas à venir et à commenter. Ensuite, vous pouvez aussi... Il y a toujours le Tipeee, Lolo ? Toujours, toujours, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, bah, c'est ça le problème, c'est qu'il ne bouge c'est pas. C'est ça le problème. essayez de le faire bouger. Vous pouvez nous retrouver, enfin en tout cas, retrouver les autres membres de l'équipe sur Facebook, ce réseau social que j'aime tant. Et donc, venir un petit peu discuter avec eux sur l'actualité de la VR. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter. Et puis le podcast, eh ben, vous pouvez aussi, s'il vous plaît, mettre des notes si vous voulez nous soutenir, nous dire un petit peu ce que vous en pensez, des bonnes notes en tant qu'à faire, hein, pour le référencement. C'est important, nous retrouver sur Deezer, sur iTunes, sur PodCloud, sur Spotify, sur tout, surtout en fait, sur Podcast Addict. On vous fait de gros bisous, kiffez la VR, on espère que Resident Evil Village sera en VR, mais ça, voilà, moi j'y crois pas. On fait les paris, Laurent ? Ce soir, j'y crois pas spécialement. Mais qu'il sera en VR, oui, j'y crois. Ok, bon. Mais ce soir, non, ce soir, non, je pense pas. Ce soir, il va encore nous montrer encore une connerie, et puis, on va être dégoûté. On va avoir encore une grande dame qui suce des bras, et puis ça sera très très bien. Ok. Gros bisous, Lolo ? Gros bisous, Majo ? Eh ben pareil, salut. Gros bisous les auditeurs. Et puis, je vais réessayer Alvo. Allez, allez, bah bon Alvo, et puis moi je vais retourner sur Italien. Merci. Eh ben moi je vais aller voir mon showcase qui commence dans 5 minutes. Ouais. Ouais, je vais peut-être le regarder avec toi, allez. Allez, ciao, dans 2 semaines. Ciao. Salut les gars. Ciao. Putain, il sortait de loin celui-là. Putain, tu l'as préparé pendant toute l'émission celui-là. Il doit être un glaire. Il doit bien coller. Bon, voilà. Bah, c'était bien. Ouais, ça ferait une jolie, ça ferait une jolie fin. C'était l'émission la plus à l'arrache qu'on ait faite, quoi. Ouais, je sais pas. Ouais, on a déjà fait des trucs plus à l'arrache. Hein. Moi, je sais que j'ai déjà fait des émissions beaucoup plus à l'arrache. Hein. Ça n'avait pas de problème. Non, je l'ai pas trouvé à l'arrache. Tout est marrant. Non, non, vous avez coupé. Ouais, là, je coupe. Attends, je coupe.